Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruquier. On discutera des activités passées et à venir pour l'Association Générale des étudiants du QTR dans la chronique de l'AGE QTR. On continuera nos dégustations halloweenesques dans la chronique gastronomique cheap, une grosse pointe d'adresse. Assemblage Ruquier commence tout de suite. Assemblage Ruquier pour toi, aujourd'hui. Assemblage Ruquier pour toi, aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Ruquier en ce jeudi 20 octobre 2016 à 189 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Planche. Et moi, Tania Bourdin. On t'en dirait les sous de ces fois à 3 h. Ça va, Tania? Ça va très bien. Ouais, je pense que les gens qui sont... Pour commencer, il n'y a pas d'étudiants encore dans le pavillon. Probablement pas. Pas vraiment, mais je pense que je crie tellement dans l'intro que les gens de la chasse-galerie doivent m'entendre. Ah, peut-être. Ou ceux qui travaillent dans le 10-12. Peut-être. Je pense que c'est la journée où on se met à faire de la peinture, Mathieu. Oui, ça sent. Hein? Ça sent, puis il y a comme 4 camions de peinture dans le petit stationnement. Donc, je pense que ce soir, pour le party F1, il va y avoir de la peinture pas totalement sèche. Ben dans non, mais le c'est ça, elle sera pas sèche. Les gens vont mettre leurs mains dedans. Ça va être dégueulasse. Quelle mauvaise idée. Je fais aucun jugement de la planification du temps, mais... C'est vrai qu'il y a un gars qui est arrivé ce matin en gros camion, il me suivait, ok, puis il fait « Hey! Hey! Hey! » Puis je fais comme « Ouais! » Oui, bonjour, monsieur. Il fait « How do I get to the Leon Provencher? » Le pavillon Léon pour brancher. Est-ce que c'est celui qui est avec le Albert Tessier, ça? Oui. Ah, yes, yes! Pour une fois que je réussis à... Me semble. Fait que là, il dit genre, ah, ben, je peux pas passer par là-bas, tu sais, en anglais, genre, ouais. Parce qu'il y a un auvent, tu sais. Oui. Fait que là, je dis qu'il fait qu'il fasse le tour en bas, passe des cubes, proche des cubes, qui tourne à droite, qui tourne à droite. Mais c'est barré. Oh. C'est barré, ça. Ouais. C'est compliqué le campus de QTR en 2016, les amis. Oui, un petit peu. Est-ce qu'on pourrait enlever des barrières, s'il vous plaît, pour qu'on puisse passer à certains endroits? Passage piétonnier, blablabla. Il y a des coins de rue, là. Mets des lignes à terre, puis on va traverser là. De toute façon, tout le monde traverse la rue en plein milieu, fait que c'est ça. Fait, comment tu veux réussir à dire à quelqu'un de se rendre à quelque part s'il y a des barrières partout? Ah, et l'essence voilà. Unique. C'est vrai? L'essence unique. Bref, le campus de QTR, mais on n'est pas là juste pour parler de QTR. On est là pour la ville de Trois-Rivières au complet. Hein? Elle aussi, elle est compliquée dans ses sens uniques, fait que c'est correct. Aujourd'hui, à l'émission Assemblage Ruquier, on va avoir à 8h la chronique de l'AGE QTR. C'est avec Alex Marchand et ses collègues de l'AGE qui viennent nous parler des activités depuis la dernière chronique, les activités du présent et les activités d'ici la prochaine chronique. Donc, toujours beaucoup de contenu à faire. Ça, c'est à 8h. Ta chronique s'en vient. Tania is gonna entertain ya. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, comme Jacques, jeudi, je vais vous parler de ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Et on va aussi faire une grosse pointe d'adresse en toute fin d'émission, mais comme on l'a dit, Tania, est-ce que l'entertainment s'en vient dans quelques instants? Avant ça, par contre, j'ai pas le choix. Il faut que je l'écoute une fois de temps en temps parce que je veux qu'elle monte dans le palmarès. Oui. On a 40 pièces à faire jouer et on veut tous... Alors, on a tous des pièces qu'on aimerait qu'ils montent. Oui. Mais comment tu veux les faire monter si on a juste de la place pour 2-3 tonnes par émission? T'as raison. Ça n'a pas de sens. Non, je suis d'accord. Alors qu'on écoute Royal Canoe, voici Somersault tout de suite à son âge requis. Il faut la faire. Crawl. mission. Prepping myself for the fall exhibition. Scroll off the spots that I got till I'm all alone inside my skin. Look at me shining down in the garden. All of my sweat and all of my pardon. I can't help staring at the dark where the shadow gives up and I'll begin. Fumbling matches slowly, I'm leaking out. Rise up with the smoke I held in my throat and grow soft into a cloud. La pièce Summer Salt, une de mes deux pièces préférées du palmarès avec Groenland en ce moment. Ah, ça me fait triper ben raide. Ah, c'est bon, c'est très bon. Parlant de triper, je sais que les gens, les autres stars, trippent vraiment sur la voix de Tania Baudin. Ils voudraient l'entendre partout, ce qui y donne bien parce qu'il est pas mal partout finalement. Ah, c'est fou. C'est gentil, c'est merci. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'il est allé à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. Tania Baudin. Ça va bien? Oui, ça va à toi? Ça va très bien, merci. Un beau petit matin comme ça, as-tu vu le lever du soleil à matin? Ben oui, je sais, hein. C'était-tu pas beau? C'était tout rose. Il a fallu prendre ça en photo. Ah ouais, t'as fait ça? Ouais, mais je mettrai pas ça sur Instagram, tout le monde. Moi, j'avais pas le temps. Pas le temps? Bref, aujourd'hui, on parle de nouvelles qui ont attiré ton attention. C'est le bulletin spécial Tania Baudin. Oui, exactement. Après le bulletin Gartin, c'est le bulletin Baudin. T'as bien compris. Mmh. C'est vraiment ça, le jeudi. En fait, Mathieu, depuis quelques semaines déjà, on sait que la ville de Montréal va être un total chaos dans les prochains mois à cause des constructions. Ouais. Mais ce qui a attiré mon attention, surtout dans les dernières nouvelles qui sont sorties cette semaine, c'est qu'il y a un viaduc tout neuf. Ouais. Qui va être détruit. Ouais, c'est bien. Parce que pour la plupart, peut-être que vous savez pas, mais on va refaire le pont Champlain, donc il va y avoir plusieurs constructions qui vont encore découler de la ville de Trois-Rivières. Vraiment, 2016, c'est pas l'année pour vivre à Montréal, sachez-le. C'est comme... Je pense que je suis contente d'être partie avant. Ouais. Donc, de ce côté-là, le viaduc qu'on va détruire va coûter 11 millions de dollars. Ouais. J'ai pas entendu dire que c'était... ils savaient dès le départ, mais ils ont fait ça temporairement parce que ça allait être plus rentable que je sais pas trop quoi d'autre. Mais je sais pas vraiment où ça peut être rentable de perdre 11 millions de dollars. Parce que ça aurait coûté plus cher de faire l'autre affaire autrement, je sais pas trop. Non? Mais c'est peut-être juste qu'on a voulu le faire trop rapidement. Peut-être. Parce que la raison du pourquoi on va le détruire, en fait, sachez-le, c'est simplement parce que c'est pas dans le bon axe pour le futur pont Champlain. C'est pas nécessairement que le pont a pas bien été construit ou le pont va pas tenir ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste parce que les ingénieurs qui ont décidé de le mettre à cet endroit-là ont pas vraiment réfléchi au fait que dans pas long, il va y avoir un pont là. Ouais, je sais pas. Ça, est-ce que c'est présumément ça, les ingénieurs? Parce que j'entends beaucoup de gens chialer sur les ingénieurs. Je sais pas, est-ce qu'on a la preuve? On n'a pas nécessairement la preuve, j'étais d'accord. C'est facile de dire ça. Oui, c'est facile, mais c'est aussi sur leur dos que ça revient parce que c'est eux qui ont les plans. Ça, c'est clair. Puis c'est eux qui les font aussi. Donc... Mais eux, ils font peut-être juste suivre les ordres sur comment placer ce pont-là à tel endroit. Peut-être aussi, on peut pas savoir. Ouais. Mais ça, c'est quand même une ça erreur. Ça regarde drôle. Mais c'est pas nécessairement une erreur, mais c'est une planification, une mauvaise ouais. planification qui va quand même coûter cher, mais qui va pas nécessairement aussi coûter cher en argent. C'est que ça va coûter cher aussi en temps. En temps. Mm-hmm. Et ça va être terrible. La ville de Montréal, présentement, là, c'est bouché si vous voulez aller sur la 15, c'est bouché si vous voulez aller sur la 20, puis si vous voulez aller sur la 720, qui est aussi une très grande mm-hmm. partie de la ville de Montréal, bien, vous devez faire une déviation par le centre-ville de Montréal. Wow. Donc, automatiquement tomber dans tout ce qui est trafic de la ville, ouch. En plus du trafic de l'autoroute. Mais c'est le moment parfait pour s'acheter d'hélicoptère. Ouais, mais c'est dégueulasse. C'est... Honnêtement, je pense que les gens qui prennent présentement les routes de la ville de Montréal doivent penser à comme arriver 2 heures d'avance. Ouais. C'est comme partir 2 heures ouais. d'avance. C'est pas super, mais on leur souhaite la meilleure des chances. Oui, ou sinon, apprenez à nager. Oui, ben oui. Hey, achetez-vous un mini bateau. Ah oui. Un bateau à moteur. Tellement une chaloupe. Parfait. L'hiver, ça va. Merde. Ben oui. Casse la glace dans le fleuve. Ça va être malade. Un petit peu plus près de chez nous, à Trois-Rivières, j'ai fait le tour de ce qui s'appelle le Nouvelliste. C'est t'sais? Quoi ça, non? C'est quoi ça, hein? Les gens en 2016, les jeunes de moins de 18 ans. C'est quoi ça? Le Nouvelliste? Je connais pas ça. Il y a les caisses Desjardins qui vont fermer 4 autres centres. Ah, t'es-tu sérieux? Ben oui, on sait, à Trois-Rivières, il y en a vraiment déjà beaucoup qui fermer. Reste plus. Soit on les ferme ou soit on les... concentration. Oui, exactement. Fusion. On va faire une concentration, une fusion. On va les mettre au même endroit, mais ils vont regrouper certaines caisses. Là, c'est la caisse de l'Ouest qui va fermer 4 autres centres. Donc, c'est un article de Mathieu Lamotte qui m'a mis la puce à l'oreille. Il dit, après avoir mis fin au service comptoir de 5 des centres en juin dernier, mm-hmm. on s'entend 5 caisses, c'est quand même ouais, beaucoup. Je pense que tout le monde a été atteint par ça parce que la plupart des gens avaient une de ces caisses-là qui ont fermé proche oui, de... Oui, exactement. De. Donc, la caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie annonce qu'elle va fermer complètement ceux de Saint-Sever, Saint-Angèle-de-Prémont, Saint-Thomas-de-Cac, Saint-Léonard-le-Grand à compter du 2 décembre wow. prochain. On parle pas nécessairement de l'année prochaine. Là. Puis on c'est s'entend là. Aussi, ces gens-là, par la suite, faut qu'il y ait où pour tirer? C'est ça. Puis là, tu sais, même à Trois-Rivières, c'est rendu qu'il y a des places où il y a juste des guichets. C'est juste une petite place, oui. une chambre avec ouais, genre 3 comme, guichets. C'est 2, 3 un 3 par 3. Je sais pas s'ils vont faire ça, genre un dans toute la région de l'Ouest. J'ai aucune idée, mais... Bien, en fait, selon le directeur général de la Caisse des Jardins, Jacques Duronlot, ici en Mauricie, la décision était inévitable en raison de la faible utilisation ouais. de justement ces centres-là par les membres de la coopérative. C'est sûr qu'aller au comptoir, un, c'est long, deux, ils nous chargent de quoi pour y aller. Oui, fait c'est que ça t'enlève des raisons de le faire. Puis maintenant, tu peux déposer des chèques avec ton téléphone. On peut faire ça chez Desjardins? Oui. Ah, je savais pas. Je sais c'est que. Un... Par exemple, chez Tangerine, on peut le faire ouais. parce que les premières annonces qui ben, ont juste Tangerine, Internet. C'est ça, exactement. T'as pas de branche à moi d'aller dans Banque Scotia, genre dans un dépanneur, genre Petro-Canada, genre par rapport. C'est vrai, t'as raison. Les gens qui pensent aller chez Tangerine, c'est bien le fun, mais checkez les guichets, voir si vous allez être capable de déposer de l'argent ever. Ouais, t'as raison. Vous n'allez pas réussir en Mauricie à déposer de l'argent. T'as bien raison. Il va rester 4 centres où ça va être possible d'offrir des services comptoirs à ces gens-là. Donc, ceux de Louisville, Saint-Étienne-des-Grès, Yamachiche et Saint-Paulin vont rester en place. Je leur donne 2 ans. Oui, c'est ça, probablement. Hein? Puis 9 où on retrouve des guichets automatiques quand même. Donc, ça ne sera pas nécessairement des centres où vous allez pouvoir aller voir la madame au comptoir, ouais. faire des transactions avec elle, jaser avec la madame au comptoir. Mais vous allez quand même être capable de faire certaines transactions ouais. à partir d'un guichet, sachez-le. Ce que je trouve quand même assez... Tu sais, je sais que c'est la nouveauté, c'est comme ça que ça se passe, il y a moins d'utilisation. On parle dans les derniers 3 mois, il y a seulement 76 personnes qui ont utilisé un de ces 4 centres-là qui ferment. Ah ouais? Oui. OK, c'est fou, ça, là. Donc, tu sais, okay, on sait que les gens font plus leurs choses sur Internet maintenant, mais je trouve ça quand même plate parce que on est quand même une région où la population est vieillissante, ouais. On s'en cachera pas. Ben, il faut encore le petit livret. Il faut le petit livret. Puis ces personnes-là, ben, ils aiment ça. Aller voir la madame ouais. au comptoir. Puis de toute façon, ta madame au comptoir chez Desjardins, là, on s'entend-tu qu'elle est payée pour ça? Oui. Elle va faire quoi, là? Ouais. Cette personne-là, elle va perdre son emploi c'est ou ça elle va qui est plate, être ouais. redéménagée dans un autre centre Desjardins? Ben là, je sais pas s'il y a assez de place pour pouvoir réaccommoder ou accueillir tous ces gens-là. Ce qui est plate, c'est que Desjardins, quand ils ferment des caisses comme ici, ils ont fermé leur comptoir à l'écrière. Oui. Ils ont ouvert un petit café 360 qui est complètement une autre chose, ça n'a pas rapport du tout. Mais ils ont fermé le comptoir de la caisse des forges. C'est rendu indépendant, c'est même plus des forges. OK. Donc, tu peux pas faire des transactions avec tes autres comptes des forges comme sur Jean 23 et sur... Projet Rivière, c'est plus regroupé avec l'UQTR. Ils ont enlevé ça et ils ont remplacé ça par deux guichets. Un guichet normal avec la totale dedans, les dépôts, les retraits, et un guichet cheapo. Qui a l'air sketch, là. Ça a l'air super... Pour vrai, ça a l'air d'un ATM, genre, que tu retrouves comme dans le corridor de C'est fou, là. Genre, avec 4,50 de frais quand tu comptes Desjardins, là. Et puis, tu peux pas faire de dépôt dans celle-là. Non. C'est ridicule. Tu sais, je veux dire, t'as juste deux guichets, là. Mets-moi deux guichets normaux, s'il vous plaît. Desjardins sont un petit peu sketchy, tu le sais. Je sais, hein. C'est juste un petit peu. Ouais. Du côté encore de Trois-Rivières, j'en ai parlé à quelques reprises, le fameux procès du jeune Maxime Vadeboncœur et des quatre policiers. Une des nouvelles qui a attiré mon attention, c'est celle qui dit que Vadeboncœur avait pas nécessairement aucun signe d'une blessure majeure. Rappelle-nous les faits pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Oui, bien, en fait, c'est, je me souviens plus, en 2013, voilà, c'est l'année exacte, en 2013, où quatre policiers de la ville de Trois-Rivières ont fait une interférence sur un jeune garçon qui venait de faire un vol à main armée et qui, selon les autres policiers et selon l'enquête, aurait abusé de leur pouvoir de force suprême sur le jeune homme. C'est de la crème sûre, je pense. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on parle d'arrestation assez musclée, merci. Il y aurait eu des coups qui auraient été donnés au jeune garçon. Tu sais, on va le dire, là, c'est une arrestation qui a été musclée. Il y avait des vidéos qui ont été mises un petit peu partout sur Internet. Je pense simplement deux jours après l'arrestation. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse justement aller en cours avec cette histoire-là. Mais là, c'est le procès. Là. On est encore dans le procès. On en a déjà discuté. On avait fait quelques... Ben, du moins, j'avais fait quelques résumés de ce qui s'était passé la veille en cours. Mais aujourd'hui, on dit qu'au lendemain de l'arrestation musclée, justement, dont a été victime Alexis Vadeboncœur, pardon, pas Maxime, mais Alexis Vadeboncœur. Il faut l'appeler Alexis with a good heart en anglais. Oui, c'est ça. Ceux qui suivent. Il dit qu'on présentait aucun signe d'une blessure physique majeure qui aurait pu justifier justement une intervention médicale immédiate ou des examens plus approfondis. Mais on se souvient que Alexis Vadeboncœur avait dit qu'il était arrivé à l'hôpital complètement brisé en mille morceaux, qu'il avait de grandes blessures majeures. Alors de ce côté-là, ça vient un petit peu mettre l'enquête. Je veux pas dire dans l'eau chaude, mais tu sais, c'est sûr que en ça. Doute. Ouais, en doute, parce que il y a des infirmières, selon l'article, qui auraient dit ben il est pas nécessairement arrivé à l'hôpital avec les photos qu'il a montrées. Ouais. Tu sais, il était pas dans cet état-là. En effet, dans le cadre du procès des quatre policiers de Trois-Rivières accusés d'avoir tabassé Alexis Vadeboncœur et d'avoir fait de faux rapports, elle a raconté que l'attitude était correcte lors de cette brève consultation à la prison. Le jeune homme coopérait, mais sans limite. Il disait avoir mal à la cheville, au poignet. Les infirmières qui étaient sur place à la prison lui ont donné de la glace pour soulager la douleur, mais en aucun temps le jeune homme aurait signalé qu'il souffrait de douleurs à la tête, qu'il souffrait de douleurs aux côtes, à l'entrejambe, parce qu'on se rappelle qu'il avait dit qu'il avait été maltraité dans ces coins-là aussi. Elle a seulement vu une égratignure sur son visage, mais rien qui justifiait vraiment une démarche médicale beaucoup plus élaborée, puisque la plaie était propre, et elle n'a pas pu non plus remarquer des bosses sur la tête, comme il disait, grosses comme un œuf, grosses comme des balles de golf, comme la plupart avaient prétendu selon le jeune homme. Donc, dans les jours suivants, on a aussi fait des demandes de consultation, mais ces consultations-là étaient liées à la médication pour dormir et non pas pour des douleurs encore. C'était vraiment pour des troubles de sommeil. Donc, le jeune homme a mentionné également la présence de rougeurs à l'entrejambe, mais compte tenu des symptômes, l'infirmière lui a conseillé de bien se laver, d'assécher cette zone-là, de s'assurer qu'elle s'était bien hydratée. Tu sais, c'était peut-être juste de la sécheresse. Ouais. Donc, on a aussi suggéré un dépistage de MTS au jeune garçon. Donc, lorsqu'on l'a contre-interrogé par la couronne, lorsque la couronne l'a interrogé, les infirmières, en fait, ont indiqué que M. Vadeboncœur s'était jamais plaint des policiers qui l'avaient arrêté, ni même parlé des coups qu'il avait reçus ou quoi que ce soit. Alors, tout ça vient justement mettre peut-être l'enquête au grand complet, pas nécessairement en doute, mais on se demande... On se base sur quoi maintenant? Est-ce que Donald Trump l'a grabbé by the pussy? Oh! On sait pas. Peut-être. On sait pas ces affaires-là. On sait pas. Oh, c'est terrible ce cas-là. Ouais. Mais sachez que si vous voulez d'autres informations, vous pouvez aller faire un tour sur le Nouvelliste. Il y a un dossier complet sur ce qui se passe présentement en cours. Et le procès va bien évidemment se poursuivre mardi prochain du côté justice. Palais de justice. Et merci. Si on se fie au reste de l'histoire de la justice au Québec, ça va durer plusieurs années encore. Ça pourrait très bien durer plusieurs années ou tout simplement justement à cause des doutes. Non, peut-être pas annuler ça, mais ça va peut-être se terminer plus rapidement qu'on pensait que ça pourrait se terminer. Et qui sait? Pour changer complètement d'idée, là, sachez-le, quelque chose qui a retenu mon attention dans l'actualité de cette semaine, c'est, vous savez, on a déjà parlé des astronautes québécois-canadiens qui ont participé à des projets, que ce soit sur la Lune ou dans l'espace ou peu importe, et on avait parlé de l'astronaute québécois David Saint-Jacques qui va être le prochain Québécois à se rendre dans l'espace, à effectuer une mission pour le Canada, et on a su cette semaine, en fait, que le cerveau de l'astronaute David Saint-Jacques va être analysé pendant ce temps-là. Wow. Donc, on va faire des études avec notre cher Québécois qui va se lancer dans les airs. Est-ce que ça contient des fruits de mer et du fromage comme une coquille Saint-Jacques? C'est ça que j'ai hâte de savoir. Non. Si son cerveau peut être gratiné. Je suis désolée, Mathieu, de te décevoir, mais l'étude va porter sur les effets de la gravité sur le cerveau. Ah. Donc, l'astronaute québécois David Saint-Jacques va participer à l'étude sur les effets de la force gravitationnelle qui vont être réduites sur le cerveau humain lors de sa mission de 6 mois qui va, je pense, en 2018-2019. Donc, pendant ce temps-là, l'expérience va être pilotée conjointement par l'Agence spatiale canadienne et l'Université de Calgary. L'objectif de l'étude va être de déterminer comment est-ce que la diminution de la force de gravité affecte le cerveau des astronautes. Ah oui! Quelque chose qui n'a jamais nécessairement été fait comme étude et qui effectue aussi des séjours prolongés dans l'espace. Comment est-ce que ça va se répercuter sur leur capacité à s'orienter et par la suite, lorsqu'ils vont revenir ici sur Terre, comment est-ce que le cerveau va garder tous ces effets de la gravité sur le cerveau? Est-ce que ça va occasionner des lésions cérébrales? Mm-hmm. Est-ce que ça va occasionner des pertes de mémoire ou quoi que ce soit? Est-ce que tu peux faire comme avec tes vêtements? Tu sais, là, tu fous, tu mets un aspirateur dedans puis ça aspire l'air puis ça fait juste les vêtements qui sont bien. Tu vas faire la même chose avec ton cerveau. Genre sous vide. Ouais, sous vide. Emballé sous vide. Une coquille Saint-Jacques sous vide, pareil comme à l'épicerie. Ça pourrait être pas pire. Ouais, miam, miam, miam. En fait, sachez-le, les conclusions de l'étude vont permettre de mieux comprendre certains troubles neurologiques que certains astronautes semblent démontrer lorsqu'ils reviennent sur Terre. Et aussi, ça va aussi comprendre la dégénérescence neurale qui est liée au vieillissement des astronautes. On semble dire que les astronautes ont une espèce de vieillissement plus rapide. Est-ce que c'est justement à cause des effets de cette gravité-là? Donc, les chercheurs espèrent que l'expérience va permettre également de mieux cerner les traitements qui vont être offerts aux patients qui souffrent de ces pathologies. Et l'espace spatial canadien va investir, attention, 728 000 $ sur 5 ans dans cette étude qui va être... C'est pas un chiffron. D'après moi, ça a été calculé à la scène près. Ouais. Donc, ça, dans cette étude qui va être dirigée par le professeur Giuseppe Yara. Ben oui. C'est mon... C'était beau, ça? Oui, oui, OK. Ouais. Donc, David Saint-Jacques va subir une neuro-imagerie avant son départ par l'Agence spatiale canadienne et aussi à son retour sur Terre pour qu'on puisse justement voir les effets que ça a eu pendant 6 mois dans l'espace. Eh bien! C'est cool! Je suis sûr que ce Giuseppe, là, va se faire traiter de badumbré par Donald Trump. Est-ce que t'as entendu hier au débat? Donald Trump, il a parlé de quelqu'un comme étant un bad hombre. Eh boy! Ça m'a fait tellement rire. Bad hombre. Donald. Qu'est-ce qu'on va faire avec Donald? Moi, c'est ça qui a retenu mon attention, c'est le débat d'hier, j'ai regardé au complet. Oui, ben, c'est le premier des 4 débats que j'ai regardé au complet en direct. Je me suis dit que Salut Bonjour en parlait ce matin, ouais. Tout le monde en parlait ce matin. J'en ai pas parlé. Quoi que le viaduc aussi, mais OK. Je l'ai pas écouté. C'était bon, par contre, il a traité Hillary Clinton de nasty. Oh, OK. Oh, nasty. Mathieu, on va parler d'un sujet de santé maintenant. Okay. C'est le temps de parler de santé parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie hier soir qui a retenu mon attention, en fait, qui parle du virus du papillon humain. Bah. Lorsqu'on parle du virus du papillon humain, bien souvent, on va penser aux filles, aux jeunes filles, beaucoup plus qu'on va penser aux hommes. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le virus du papillon humain, je vais vous faire une petite description, sachez-le. En fait, la famille des virus du papillon humain compte plusieurs types de virus, dont plus de 40, là, on s'entend, mais ils sont tous transmissibles sexuellement. Donc, c'est souvent calculé comme étant une ITS ou une Donc, MTS. Donc, Val Boncoeur pourrait avoir ça. Peut-être, on sait pas. Les tests sont en cours. C'est ça, exactement. On n'a pas encore les résultats. Parmi ceux-là, il y a le VPH, les VPH qui sont à faible risque de cancer, dont certains causent d'autres problèmes, mais qui ne sont pas nécessairement cancérigènes. Et il y a les VPH à risque élevé qui peuvent causer le cancer. La plupart des hommes et des femmes qui ont une vie sexuelle active vont avoir une infection VPH au cours de leur vie. Wow. Sachez-le. Présentement, si vous allez passer un pap test là ou juste vous assurer que tout est beau de votre côté, du côté de votre vie sexuelle, bien sachez que la plupart du temps vous allez pas nécessairement avoir ce fameux test pour le virus du papillon humain parce qu'on calcule que justement tout le monde va l'avoir à un certain moment. C'est rassurant. C'est féroce. À ce point-là que présentement, si vous voulez avoir un dépistage du virus du papillon humain, vous devez demander à votre infirmière de l'avoir de façon vraiment spécifique parce que sinon, vous n'allez pas nécessairement avoir ce fameux test-là. On va vous tester pour une panoplie d'autres choses, mais pas celui-là parce que justement, on calcule que beaucoup de gens vont l'avoir. Ouais. L'article qui a retenu mon attention cette semaine dans l'actualité, c'est la hausse préoccupante du nombre de cancers chez les hommes à la cause du virus du papillon humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, messieurs? C'est que l'incidence des cancers de la gorge, de la bouche associés au virus du papillon humain a bondi de 56 % en 20 ans chez les hommes canadiens. Et ça, c'est ce que révèle la Société canadienne du cancer, qui encourage fortement les parents à faire vacciner leurs enfants contre le VPH. Si vous faites, on le sait, ça se donnait beaucoup au secondaire pour les filles. Moi, je me souviens que j'ai eu les doses au secondaire, mais c'est seulement les filles qui recevaient ces doses-là parce que bien souvent, lorsqu'on parle de sexualité, c'est juste les filles qui reçoivent les traitements. Mais les hommes sont tout le temps aussi porteurs qu'une fille. OK? Donc... c'est dit. C'est dit. S'il vous plaît, faites-vous vacciner, monsieur. En fait, on parle justement de faire vacciner les enfants, les filles comme les gars. Et c'est le rapport statistique canadien sur le cancer en 2016 qui comporte un chapitre spécial sur les cancers associés au VPH. Et on a quelques faits saillants pour ça. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un risque élevé pour les hommes. Donc, en 2016, c'est près de 4400 Canadiens qui vont apprendre et qui sont atteints d'un cancer associé au VPH, tandis que 1200 vont mourir de celui-là. Wow! Mais ça, là, il n'y a pas personne qui l'a dit, hein, il y a une couple d'années. Tu sais, genre, ah, oh, mesdames, faites-vous vacciner pour le VPH? Ça arrête là, ça n'a pas dit genre, ah, messieurs, vous devriez aussi vous faire vacciner pour le VPH. Parce que, tu sais, c'est pas nécessairement toutes les filles qui se disent, ça me tente de me faire vacciner pour le VPH. Donc, c'est transmissible sexuellement, là. Si vous y pensez pas, ça se peut très bien que vous l'attrapiez. Et c'est un petit peu comme d'autres ITS aussi ou MTS, c'est que les symptômes ne sont pas apparents lorsque vous avez un VPH. C'est bien souvent, vous allez continuer à vivre votre vie normale, c'est juste que vous allez être porteur de VPH et vous allez même pas le savoir. Donc, le taux d'incidence des cancers, comme je le disais, de la bouche, de la gorge, qui est associé à ces virus-là, a augmenté de 56 % chez les hommes et seulement de 17 % chez les femmes. C'est pas juste. Alors, messieurs, peut-être que si vous n'étiez pas au courant, ça serait peut-être une bonne idée d'aller demander le vaccin pour le VPH. Le risque pour les hommes est 4 fois supérieur à celui des femmes, déjà en partant. Fait que pourquoi on les a pas avertis, eux, quand ça a sorti, genre, il y a 10 ans, cette affaire-là? Ouais. On parle aussi, justement, comme je le disais, de vacciner les jeunes garçons parce que avant qu'ils commencent à avoir, justement, une vie sexuelle active, on va pouvoir prévenir au lieu de guérir. Ouais. On parle aussi d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Ça fait partie de ce fameux rapport sur le cancer. On a la possibilité, pour la première fois dans l'histoire de la médecine, d'éradiquer un cancer grâce à la vaccination et à de nouvelles technologies de dépistage qui sont vraiment efficaces. Donc, dans les prochaines décennies, le cancer du col de l'utérus, oui, ça touche juste les femmes. Oui, là, c'est vrai. Oui, ben, allez pas vous faire vacciner pour ça. C'est pas parce que ça s'appelle le col de l'utérus qu'il y a aussi des boutons de manchette de l'utérus et des cravates de l'utérus. Faites attention. Arrivez pas chez votre médecin en demandant « Ah, je peux avoir un vaccin sur le col de l'utérus? » Je suis pas sûre qu'il va pas vous regarder avec des petits yeux bizarres. Ah, quoi qu'ils sont habitués à en voir des choses. Peut-être, c'est vrai. Parce qu'en tant que tel, je veux pas te contredire. Oui. Mais, ça se peut un homme qui a un col de virus. Ben oui, aujourd'hui, ça se peut. C'est ça. T'as bien raison. Mais ça pourrait être chose du passé maintenant que d'avoir un cancer du col de l'utérus et du même coup, tous les cancers qui seraient associés au VPH. Donc, on a cette fameuse recherche-là qui est de plus en plus active. Et à partir d'un taux de 70 % de vaccination, on commence à avoir un effet de protection immunitaire sur la population. Puis on voit aussi un déclin rapide de ce fameux VPH-là. Donc, au Québec, comme on donne 2 doses au lieu de 3, l'adhésion est satisfaisante. On parle de 74 % et jusqu'à maintenant, il y a 100 millions de doses du vaccin contre le VPH qui ont été administrées dans le monde. Mais... encore une fois, on n'a pas averti les petits gars que eux aussi, ça serait bien de se faire vacciner. Fait que je me porte parole ce matin. Messieurs, allez vous faire vacciner contre ça. Ouais. De toute façon, c'est vous qui êtes le plus à risque de ça. C'est même pas les filles. Courez au CLSC. Ils font juste ça. Je veux pas dire qu'ils font juste ça de leur journée. Ils font juste ça. Mais... ils font de la cuisine avec. Ça, non, mais ils vont être très contents de vous vacciner pour ça. Ouais. Tu sais, c'est... on va sauver la planète. Peut-être pas. Mais sachez-le, c'est bien de le faire. Puis ça va probablement vous sauver d'une ITS au courant de votre vie. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Pensez-y, là, vous aussi, à votre santé messieurs. De ce côté-là. Oui. Parce que... hein? Moi, je trouve que la pression est pas mal sur les filles de tout ce qui est côté ITS. Là. C'est genre, ah, oh, prends la pilule, ah, oh, prends ci, ah, oh, prends mais ça. T'es vraiment outré aujourd'hui, t'es? Ouais, vraiment. Bon, fait qu'on va parler d'autres choses maintenant. un des derniers articles ou des sujets qui a retenu mon attention, il y en a plusieurs autres, mais j'ai juste quelques minutes de chronique. Hein. On avait parlé d'un projet de voiture pour Apple, Mathieu, à plusieurs reprises. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, il a mis ça sur la glace, ça. Ouais. Apple a décidé de jeter l'éponge sur le projet de voiture. La voiture Apple a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. En fait, c'est en 2014 que les premières rumeurs des autos Apple ont été créées. Et, on l'avait baptisé à un certain moment iCar. Puis, ça a été élaboré sous la bannière du projet Titan par la suite. On parle de la voiture Apple qui était supposément chapeautée par des centaines d'ingénieurs provenant de tous les coins de l'industrie automobile. Mais l'idée d'une voiture Apple, aussi loufoque que ça puisse être, là, parce qu'à un certain moment, tu te dis « OK, là, calme-toi la technologie ». Mais c'était pas si farfelu que ça. L'entreprise a des centaines de millions à investir et c'est pas un secret qu'elle était justement en quête de nouveaux produits pour assurer sa croissance. Donc, diversifier son offre avec une voiture autonome et électrique, surtout après celle que Tesla a approuvée, puis que Tesla ait justement prouvé que c'était possible de s'attaquer comme ça à un type de véhicule, de tenir tête aux grands manufacturiers en partant de zéro, c'était quelque chose de possible. Donc, Apple s'était aussi lancé sur tout ça, mais... sachez-le, le projet n'est pas entièrement mort présentement. On a décidé de calmer les ardeurs d'Apple, mais Apple souhaite quand même se concentrer sur la voiture. Mais présentement, on semble plus vouloir se concentrer sur le développement d'une technologie de conduite autonome. Pour les autres compagnies. Exactement, qu'elle pourrait ensuite revendre à d'autres manufacturiers. Mmh. On sait que c'est quelque chose qui fait fureur là, en Europe. Là. Tout le monde a des autos qui se conduisent ou qui se parquent tout seul. Puis c'est... défaillant un petit peu, là. Ça fonctionne pas super bien. Alors de ce côté-là, Apple s'est comme donné la mission de travailler sur le développement de ce projet-là, d'arriver à quelque chose que ça va être safe, sécuritaire et que ça va aussi être le fun. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour le moment, la Apple iCar est au point mort. On est sur la glace, mais ça pourrait peut-être faire surface d'ici quelques années. On aura l'occasion d'en reparler, c'est certain. Peut-être. Peut-être, s'ils décident de le faire. Ouais. J'avais un autre article, mais honnêtement... En bref? Ouais. C'est Eminem qui s'en est pris à Donald Trump dans une de ses nouvelles chansons. On vient après la pause. Vas-y, voir. Non, mais... Chante-la. Non. T'es drôle, toi. Non, mais c'est juste pour dire que, tu sais, il n'y a pas grand monde qui est de son bord. Hein. C'est un peu triste, ça fait pitié, voilà. Eh ben, wow, ça finit drôle. C'est comme ça que c'est fini. Merci, Tania. Avec Eminem. Ouais. Un petit bulletin de nouvelles comme ça chaque jeudi, habituellement. Là, c'est la tradition depuis les dernières semaines. Donc, Tania Esgolin, Tania, tous les matins de semaine dans Assemblage Requis. On prend une pause au retour. C'est Alex Marchand et les chroniques de l'AGAQTR. C'est là. Assemblage Antipotrois aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. 89. Assemblage Antipotrois aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky, on se jeudi 20 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, maintenant c'est le moment d'accueillir Alex Marchand, le président de la GAUQTR, pour la chronique qui commence avec un rap. C'est la chronique de la GAUQTR. AGEUQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GAUQTR parce que la GAUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, Alex Marchand, bonjour à toi. Bonjour, vous allez bien? Oui, tout à fait, ça va tellement bien. Je sais pas, Talia, t'as plus de talent que François-Olivier qui a fait le brop. Pour faire prop. Je sais pas comment le faire. C'est comme le slogan de Monsieur Net, ça pourrait être ça pour ramener ça en 2016 avec les jeunes. Monsieur Net, c'est prop. C'est prop. Non. Okay. Donc, Alex Marchand, président de la GAUQTR, on l'a dit trois fois jusqu'à maintenant. On commence par le futur, en fait, ce qui va se passer en fin de semaine. Ben oui. En fin de semaine, en fait, il y a deux événements qui vont se produire où la GAUQTR va représenter les étudiants de l'UQTR. Je dis beaucoup de convictions, hein, comme à l'habitude. Mais en fait, il y a un sommet sur le développement durable qui va se dérouler à l'Université de Sherbrooke. Donc, on va aller assister à des conférences pour se donner des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour avoir un campus qui est plus vert, pour avoir trouvé des nouvelles initiatives, en fait, pour sauver la planète. On est vraiment on est comme déjà ça. Déjà, en partant, de mettre des bacs de récupération dans chasse-galerie. Pour les canettes, mais non. Hey, sérieusement, mes canettes, là, il n'y a pas de place. Et en plus, ils ont enlevé, il y avait un bac pour les canettes dans le corridor de C'est fou. Il y en a plus. Ils l'ont enlevé. Puis il n'y en a toujours pas à chasse-galerie, fait que les gens jettent leurs canettes dans les poubelles, ça n'a aucun sens. Oui, mais justement, il y a quelqu'un de l'université qui m'en avait parlé il n'y a pas longtemps. On avait une rencontre pour Transport à Trois-Rivières, en fait, une espèce de focus group où on allait parler de comment on voyait le transport en 2030, puis qu'est-ce que la ville devrait faire pour un peu aider ça. Puis finalement, elle m'a parlé justement que ce serait bien qu'il y ait ce genre d'initiative-là qui serait faite à la chasse. On est supposé la rencontrer suite à la rencontre qu'on va avoir en fin de semaine à Sherbrooke. Donc si on a plusieurs idées qu'on voudrait développer avec l'université, ouais, on va pouvoir se réunir au comité de développement durable de l'université à ce moment-là. Au moins, juste temporairement, là, il pourrait juste y avoir un bac bien normal. On va trop vite, oui, Mathieu. On va trop vite. Je dirais que c'est dans le percolateur, quoi, ouais, pourrait dire. C'est dans le café qui constitue tout l'ensemble des. Est-ce que ça va arriver en même temps que la petite rampe pour monter en chaise roulante dans la chasse-galerie? Parce que c'est un peu manquant, ça aussi. Oh. Non, mais ça, on peut passer par l'intérieur. Ça ouais, fonctionne. C'est un petit peu plus ça. On peut faire le tour. Oui, ça, c'est sûr, par exemple. On est peut-être pas encore à jour. Puis, à part du sommet sur le développement durable, nous avons le camp de mobilisation de l'AVEC qui s'adresse aux étudiants. D'ailleurs, je vous invite à communiquer avec la vice-présidente aux affaires sociopolitiques de la GS si ça vous intéresse. Son nom est? Samuel Plante. Samuel Plante. Oui, puis en fait, il y a plusieurs activités qui vont être dans ce camp-là, des formations, entre autres, sur, je dirais, des ateliers d'audio-impression. Il y a plusieurs ateliers, en fait, là. La lutte contre la gentrification, donc les transgenres et ainsi de suite. L'embodying colonial environmental justice with self and collective care, sauf que je vous conseille d'être bilingue. Si vous voulez y aller, il faut vraiment être bilingue, parce qu'il y a beaucoup d'associations anglophones autour de l'AVEC. Donc il va y avoir plusieurs ateliers qui vont toucher, entre autres, à social justice, puis il y a des audios qui sont lumineux, puis l'austérité, en fait. Donc ils vont vraiment faire beaucoup d'ateliers pour... Ça devrait être intéressant. Puis c'est où, ça? Ça va se dérouler à Hérouville. OK. Ah. Oui, dans le fond, il y a une espèce de camp là-bas, puis c'est là que ça convenait mieux pour faire cette activité-là. Cool. Oui. Puis sinon, en fait, c'est pas mal ça pour ce qui se passe dans le fond de ce temps-ci. Je dirais que c'est assez calme, étant donné que la semaine de travaux et d'études s'en vient. C'est calme normal pour tout le monde, même pour nous. Donc, le milieu de session, là, c'est comme attends, ça. Attends, j'aimerais que tu répètes comment t'as appelé ça. Semaine de travaux et d'études. Ce n'est pas une semaine de relâche. Attention. Dans les faits, oui, mais Dans le code, c'est marqué dans l'agenda. Mais on le sait que rendu à l'université, non. Non. Et nous, on va être ici en passant pour ceux qui se le demandent. Oui. Les émissions quotidiennes. L'émission quotidienne. Et le journal Zone Campus continue pendant la relâche. Donc, tu as décidé de nous parler, comme il se passe moins de choses, un petit peu la hiérarchie de la GAQTR. Comment chaque poste, dans le fond, les responsabilités de chaque poste, qui est en haut de qui est en dessous de qui. Donc, on va commencer avec quoi, tout ça? Le toit, le sommet? Oui. La cheminée? Mais pas tout de suite, non? En fait. Okay. On va y aller graduellement. Okay. Là, on va partir avec la loi, en fond. Ah, d'accord. Il y a une loi qui existe, qui a été adoptée en 1983 par l'Assemblée nationale, qui s'appelle la loi sur l'accréditation et le financement des associations étudiantes. Ah, OK. Cette loi-là permet, en fait, à l'association d'exister, d'avoir certains pouvoirs, d'avoir certaines responsabilités. Puis, ça donne aussi à l'administration d'un établissement scolaire, post-secondaire, des responsabilités envers l'association étudiante aussi. Donc, à partir de sa formation, puis de son accréditation, l'association étudiante peut voter un montant de cotisation. Ces cotisations-là doivent être remises dans un certain délai par l'administration de l'université, puis il y a aussi une liste des noms de tous les membres de l'association étudiante qui doivent être remis à peu près en même temps que la cotisation. Cette cotisation-là va être votée par une instance, ici l'Assemblée générale en fait. Donc c'est l'Assemblée générale dans une association étudiante qui a le pouvoir suprême, donc qui peut décider de n'importe quoi dans la mesure où elle est réunie pour l'association étudiante. Pour avec au-dessus de certains quotas. Exactement. Voilà. Donc toutes les considérations qui vont être financières, les cotisations, les orientations à long terme, va recevoir les états financiers, le budget. Donc, c'est vraiment quelque chose que tous les étudiants peuvent venir à l'Assemblée générale. Puis, cette assemblée-là peut prendre des décisions qui vont avoir un impact majeur sur l'organisation, en fait. Ensuite, un peu en dessous de l'Assemblée générale, il va y avoir le conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là va gérer les affaires financières et les affaires légales de l'association, un peu plus dans le month-to-month. Voyons, j'ai vraiment bien d'agglutiste aujourd'hui. Dans le jour le jour, mois à la fois. Mois à mois, c'est plus c'était facile. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Mais bon, donc, entre autres, tu vas avoir un certain pouvoir en termes de dépenses financières qu'il va être capable d'adopter, entre autres. Et il va aussi pouvoir signer les contrats, tous les contrats, par exemple, dans notre cas de l'AGE. Ensuite arrive le conseil exécutif. Le conseil exécutif, son rôle, c'est d'exécuter les mandats qui vont lui avoir été conférés par l'Assemblée générale et le conseil d'administration. Donc, ces instances-là vont prendre des décisions, vont dire « on s'en va dans cette direction-là, l'ensemble de l'association étudiante veut aller vers là ». Bien là, le conseil exécutif, qui est composé dans la GAQTR de 9 personnes, je vais nommer les postes un peu plus tard, oui. Mais le conseil exécutif doit faire en sorte que ces mandats-là se réalisent. Donc, le conseil exécutif, les 9 postes à l'intérieur présentement sont le président. Donc ça, c'est un peu moi, je suis de la coordination. C'est un peu moi. Oh, je suis humble. En fait, c'est ça. Mon rôle, c'est surtout de la coordination. Puis de toute la patente, on a 5 employés permanents, puis on a 9 exécutants. Puis aussi, en fait, les relations avec l'université, donc les différents départements, puis tout. Sinon, il y a le secrétaire général aussi. Lui, son rôle, c'est un peu le maître des règles. Okay. Toutes les politiques, les règlements généraux vont devoir faire en sorte qu'on les respecte et va devoir nous ramener sa traque des fois quand on s'éloigne un peu. Son autre rôle, c'est de convoquer les conseils d'administration puis s'arranger pour que tout le monde ait la documentation. Qui présentement est le secrétaire général? Jimmy Lacourse. Jimmy Lacourse. Oui. Sinon, on a le VP finance. Lui, c'est le comptable de l'association. C'est lui qui va voter les budgets. Pas voter, en fait, mais il va présenter les budgets, il va les faire, il va travailler avec technicienne comptable pour présenter les états financiers aussi. Donc, c'est pas mal ça, son rôle. Ça, c'est Justin Barrette, d'ailleurs. Justin Barrette. Oui. Sinon, le VP, vice-président aux associations, aux affaires associatives et à l'environnement, excusez-moi. Lui, son rôle, c'est de maintenir un lien entre la GAQTR et les assos départementales. Donc, à peu près chaque département dans l'université va avoir une association étudiante départementale. Par exemple, sciences infirmières va avoir une association étudiante, sciences comptables administration va avoir une association étudiante, génie va avoir une association étudiante, et ainsi de suite, 32 fois. C'est fun. Oui, ça, tu dis que c'est matché avec l'environnement. Le lien entre les deux est? Exactement. Ben, je ne sais pas. C'est marqué dans nos règlements. Il restait une tâche, ils lui ont donné. C'est particulier. Okay. Ben, c'est d'ailleurs avec lui qui est Michael Saint-Pierre. En fait, c'est avec lui que je vais aller en fin de semaine au congrès sur le développement durable. Le sommet sur le développement durable. Mais c'est peut-être parce que c'est lui justement qui spread tartine envers les autres associations étudiantes. Il plante des graines. C'est le lien avec toutes les assos, en fait. Tu savais la quantité de jokes de graines qui ont sorti semaine sur l'éducation, sur le développement durable, en fait, semaine. Alors, sérieusement, c'est très drôle. Wow. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le CA de l'AGEQTR, les 32 associations sont représentées, puis ont un siège, en fait, où ils peuvent intervenir. Donc, on a quand même un très gros CA. Parce Parlement de l'AGEQTR. Parlement de l'AGEQTR. Puis bref, on était rendu au poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. Mm-hmm. Ça, c'est Samuel Plante. Mm-hmm. Lui, son rôle, c'est de veiller à ce que le cahier de position de un soit respecté, mais aussi de trouver des nouvelles positions à proposer pour l'association, dans le fond, qu'on peut, où on peut faire une certaine forme de lobby. Donc, discuter avec des élus ou encore avec différents acteurs de l'université pour que les positions, puis ce qu'on croit que les choses devraient être au niveau un peu plus politique, bien, que ça avance. On assiste aussi présentement avec lui aux différents congrès jeunes des différents partis politiques. Donc, on est allé déjà à la CAQ, et aux jeunes caquistes, aux jeunes libéraux, et on va probablement aller aussi aux jeunes péquistes, puis à Québec solidaire, dès qu'ils vont avoir des instances dans le futur, ce qui n'est pas encore arrivé. Donc, on essaie vraiment de faire avancer les positions des étudiants du QTR à ce niveau-là. Ensuite vient le... Ça, c'est... j'avais dit son nom tantôt. Sinon, le poste vice-présidence aux affaires socioculturelles, ici personnifié par Solange Laplaire. En fait, son rôle à elle... Solananange. Est-ce que tu lui as dit? J'ai oublié. Elle aime les ananas. C'est vrai. Je vais lui rappeler. Elle devrait être au bureau quand je vais revenir tantôt. Bref. En fait, c'est ça, Solange, son rôle, c'est surtout les événements de l'OGQTR, un peu plus à la saveur socioculturelle, les spectacles, les parties. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment elle qui va un peu coordonner toute la patente. Là, d'ailleurs, travailler avec Martin Lambert et Jean-Philippe Charbonneau, le président de... Non, le directeur général du groupe Média étudiant. Exact. À la création du show de la rentrée. Oui. Donc, c'est ça, c'est une partie de son rôle aussi, parce que le GE a contribué aussi au show de la rentrée, qu'à une hauteur à peu près équivalente à celle de GME. Ben, en fait, je parle surtout en termes monétaires. Mais bon. Ouais, c'est ça. Parce que JP a vraiment travaillé très rushé, fort. Il a rushé, ouais. T'es encore en congé pour ça. Oui, c'est ça. Burnout. Ça fait un mois et demi qu'on l'a pas vu. Il est où? Non. C'est exact. Non, JP est toujours à son bureau. Mais bon. Sinon, le seul poste suivant, c'est la vice-présidence aux communications. En fait, il s'est personnifié par Mansour Fall. Lui, son rôle, c'est de s'assurer que la politique d'affichage est respectée, entre autres, que la GE est représentée et suit le plan de communication, parce qu'on est rendu avec un plan de communication. Donc, que les gens voient et reconnaissent le logo de la GEQTR, que les gens ne croient pas que la GEQTR est la même chose que l'université, comprennent qu'on est une entité à part entière et que chaque étudiant a un pouvoir à l'intérieur de la GEQTR. Est-ce que c'est ce poste-là qui est responsable de l'espace entre AGEQTR dans votre nom? Sinon, je sais pas. Ça. Encore là, une fois, je pense que c'est les règlements généraux qui sont responsables de ça, puis ça serait attribuable à un ancien secrétaire général. Faudrait dire aux nouvellistes en passant, faudrait dire aux nouvellistes qu'ils mettent un trésillon entre AGE et UQTR. Ça, c'est vrai. Les autres campus l'écrit correctement. AGE, espace, UQTR. Après et ça, on écrit chasse, espace, galerie. Pas de trésillon, ni dans le logo, ni sur leur site web, ni nulle part. Mais ça, c'est curieux. C'est encore une faute, je crois, parce que dans la légende de la chasse galerie, il y a un trait d'union, on l'écrit, mais là, la chasse galerie n'a pas de trait d'union. Je suis tellement perdu dans tout ça. Là. Ouais. Mais bon, on fait avec. Ensuite, il y a le poste de vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. On en avait parlé dans une chronique précédente un peu. C'est la personne qui va s'occuper des... les cas étudiants en majorité, et qui va aussi faire un rassemblement national académique. Donc, toutes les associations étudiantes, ou à peu près, vont pouvoir venir au 10-12 assister à des conférences sur un sujet. Cette année, c'est pas encore adopté, fait que je peux pas vous en dire plus, mais dans une chronique future qui va suivre le CA du 30 octobre prochain, je vais pouvoir vous dire quel sera le thème du RNE. Donc, c'est sur les cas académiques de premier cycle, puis vice-présidence aux affaires académiques de cycle supérieur aussi va faire des cas académiques, donc régler les problèmes des étudiants envers l'administration parfois et les départements. Et leurs deux noms, t'as pas dit les deux noms de ces deux-là? Ah oui, excusez-moi. Vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, présentement, c'est Alexandre Beaudoin. Mm-hmm. Il est par intérim, par exemple. Donc, si vous voulez vous présenter à ce poste-là, je vous invite à le faire. Il reste encore, les candidatures peuvent encore être reçues jusqu'à vendredi, je crois. Donc, le CIS va être le 30 octobre pour son élection. AGEQTR.org pour en savoir plus là-dessus. Exactement. Ou sinon, la page Facebook de l'AGEQTR. Ouais. Sinon, il reste la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Ici, c'est Alexandre Côté qui occupe ce poste étudiant supérieur. Donc, c'est pas mal ça pour les postes dans le conseil exécutif. Puis ici, le conseil exécutif, son pouvoir est un peu moindre que les autres, mais il peut prendre un certain niveau de décision, surtout pour la gestion des affaires internes. Donc, tout ce qui va toucher dans la gestion un peu jour à jour de la chasse-galerie, de la halle-garderie et de l'administration et des activités. En fond, ça va être des décisions qui vont être prises par le conseil exécutif de la GEQTR. Le day-to-day, comme tu dis. Le month-to-month. Puis sinon, il y a aussi une dernière petite chose dont j'ai pas encore parlé. C'est il y a un bras de travail du conseil d'administration administration, on a à peu près une vingtaine de comités, si je ne me trompe pas, qui travaillent en fait à faire des recommandations au conseil d'administration pour un peu faciliter le travail de tout ça. Donc vraiment, le GEQTR, c'est une organisation qui est assez complexe, il y a beaucoup d'éléments, mais que quand même, on travaille vraiment le plus fort qu'on peut pour travailler dans les intérêts des étudiants. Puis avec tous les postes que j'ai nommés, on tous un focus qui est différent, mais qui permet justement d'un peu plaire à tout le monde, puis de faire en sorte que tout le monde voit un peu la couleur de sa cotisation, qui est présentement à la hauteur de 15 $ en fait pour le GEQTR, plus 2 $ pour la halle garderie. Ah, parce qu'on la considère comme un service, puis que les étudiants doivent pouvoir... Est-ce que c'est vous qui gérez ça, la halte garderie? Ben, en fait, la chaise galerie puis la halle garderie ont des gérants, en fait, des personnes qui s'en occupent. Nous, on s'occupe des relations avec eux, puis on voit beaucoup, dans le fond, certains considérants financiers puis légaux. C'est vraiment par nous que ça va passer. Mais autrement, c'est surtout géré par les gérants. Ils ont l'expertise pour le faire, puis ils le font bien. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est très fun de savoir ça. Et c'est fun aussi de te recevoir à la chronique pour pouvoir justement parler de ces choses-là, parce que ça manquait, je pense, assez fou de parler des activités de la GE comme vous allez faire en fin de semaine, de savoir qui est dans la GE, qu'est-ce qu'ils font pour... Ils travaillent pour vous, dans le fond, donc... Oui. Mais oui, moi, ma question, c'est est-ce que les gens qui siègent à la GE sont tous étudiants? Oui. Ils font comment pour gérer leur horaire? Ouais. Ben, ça dépend. Je vous dirais qu'il y a des postes, par exemple, comme la présidence et la vice-présidence aux affaires associatives, qui sont des postes qui sont beaucoup plus demandants. Donc, on a souvent moins de cours, je vous dirais, que certains autres. Il y en a qui s'en sortent avec 4-5 cours, mais ils ont des charges de travail souvent qui sont un peu plus conciliantes avec leur mode de vie. Okay. Vous avez quelques postes quand même qui sont à temps plein. Attaché politique, c'est encore? Oui, c'est rendu conseiller à l'exécutif, en fait. Parce que l'attaché politique, dans le passé, faisait seulement de la politique. Ouais. Le conseiller à l'exécutif va travailler avec chacun des officiers pour lui donner des conseils. Parce que c'est important de savoir que dans la GEQTR, c'est souvent des gens qui vont faire des mandats de 1 an ou de 2 ans. Ouais, il y a beaucoup de virements, de roulements. Exactement. Ouais. La personne la plus vieille dans l'exécutif, qui, quand on est rentré en poste, était là depuis janvier l'année passée. Donc, il n'avait même pas fait un mandat complet. L'ancienneté. Non, c'est ça. Fait qu'on était vraiment neuf. Je vous dirais que ici, le conseiller à l'exécutif se nomme Frédéric Farid-Borel. En fait, on était content qu'il soit là. Beaucoup. En plus, c'est un bon gars. Hey, je pense qu'il est ici depuis plus longtemps que moi. Ça fait longtemps, mon Dieu, que je suis. 2008. Ici. Vraiment. Ouais. Mais il aime l'université, puis vraiment, il aime le GEQTR, puis il fait un travail merveilleux. Donc, on l'aime beaucoup. Vous avez aussi, je crois, une secrétaire, sinon qui est à temps plein. Ah oui, notre adjointe administrative ici, c'est José Mailloux. C'est un amour. Passez la voir à son bureau, honnêtement. Là, allez dire un beau bonjour, elle va être super contente. Et super. Puis ça peut vous donner de l'information sur un paquet d'affaires. Sérieux, jaser avec José, ça vaut la peine. José. Oui. Ça fait une belle chronique, ça. Jaser avec José. Une émission genre de couiller du cœur. José avec José. Non, on pourrait l'amener faire une chronique. Mais là, je suis sûr qu'elle aimerait ça. Faudrait que je lui demande, sérieusement. Mais tu n'as pas encore dit à Solange que son surnom est Solana Ange. Débarquer pour venir faire la prochaine chronique. Si messieurs, on met, excusez-moi, là, mais on met au courant que dans pas long, apparemment, le trait d'union va mourir dans l'orthographe. Donc, on pourra pas mettre de trait d'union entre sont la GE et UQTR. On vit dans le futur à la GE, c'est incroyable. Ouais. Wow. Ouais. Non, mais pour être cohérent avec vous-même, il faudra enlever le trait d'union dans la garderie aussi. Ah, ben oui, parce que c'est vrai. On va être cohérent. Ouais. C'est encore là, un manque de cohérence. Bon, puis sinon, aussi, on a une technicienne comptable que je n'avais pas encore parlé, Denise Marchand, ici, qui a le même nom de famille que moi. J'étais tellement content quand je suis rentré en poste. C'est ça. Puis ça aussi, elle va s'occuper un peu de la tenue de livre de l'AGE pour s'assurer qu'on sait où qu'on s'en va avec nos finances, puis qu'on est en mesure de dire les vrais chiffres aux étudiants. Ouais. Vos locaux sont situés juste après les portes qui sont là pour une raison qu'on ne sait pas trop. Oui, ben ça, j'ai trouvé pourquoi cet été, en fait, il faisait chaud, puis on avait l'air climatisé de l'autre bord. Ça explique tout. C'est punks de l'université, je crois, on apprécie. J'aime vraiment la technique, genre, c'est marqué sortie d'urgence, mais ils ont mis une feuille blanche par-dessus. C'est moi qui l'ai mis, je l'ai collé moi-même. C'était très drôle. Parce qu'on perdait du temps à chaque fois que quelqu'un arrivait devant le truc rouge, puis disait est-ce que je peux passer? Ben oui, tu peux passer. T'sais, on a mis une feuille blanche devant, à ce temps, le monde ne savait même plus qu'un écriteau. C'est logique quand même, ça n'a aucun sens d'avoir mis ça. C'est vrai, ça a l'air d'être des portes anti-feu en plus. C'est exactement ça. Bref, après le 10-12, le gymnase à votre droite, vous continuez, le corridor est là. Il y a plusieurs corridors embranchement. Oui. Donc les locaux sont là, tout le monde dans son local, tout le monde est content. Belle gang, la GEQTR. Merci Alex Marchand de nous en avoir parlé un peu aujourd'hui. Ben, merci encore de m'avoir reçu, c'est toujours un plaisir. C'est génial, on se revoit la semaine prochaine, toujours les jeudis. Oui. Ça se passe à 8h pour une autre chronique de la GEQTR. On va parler des activités qui vont avoir eu lieu en fin de semaine, tu l'as dit. Oui, on va faire un beau petit retour. Ouais. Merci Alex. Merci. Maintenant, on écoute en musique Lydia Kipinski. Voici Apprendre à mentir à Assemblage Rue. Je pourrais te dire de potins phares, ils vont revenir. Mais je sais qu'il est parti pour partir. Je pourrais te dire que tes parents seraient fiers de toi. À vrai dire, ils sont morts, ils te voient pas. Je pourrais te dire qu'un jour on aura un pays. À vrai dire, je pense qu'on n'en mérite même pas. Je pourrais te dire avec le trou dans ton ventre, le soleil reviendra entre tes jambes. Kipinski. Apprendre à mentir. Au retour de la pause, qu'est-ce qu'on fait, Tania? On met des périmètres de sécurité un peu partout, puis on invite David Perron à venir manger avec nous. Ah, mais c'est pas fin! Une grosse pointe en dresse au retour. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Bonjour à Assemblage Hockey en ce jeudi 20 octobre 2016. Tania Baudin et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on continue avec une grosse pointe en dresse, mais avant ça, on écoute l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Une table ronde se tiendra le 1er novembre entre 19h et 20h30 au sujet de la course à la présidence des États-Unis. Trois conférenciers issus de divers milieux offriront une analyse sur la campagne électorale. Il s'agit des professeurs Francis Langlois, Luc Blanchette et Daniel Landry, respectivement spécialisés en histoire, psychologie et sociologie. L'activité organisée par l'UQTR, la Coopsco Trois-Rivières et l'Université de Trois-Rivières du troisième âge a lieu au 1200 pavillon Albert-Tessier à l'Université. Le City Tour aura lieu le 24 novembre dès 20h au local 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin de l'UQTR. Ce spectacle réunit les rappeurs des groupes Brown et Dalla Claire ensemble, en plus de Corias. Les billets sont de 20$ pour les étudiants et de 25$ pour les non-étudiants. Pour vous procurer vos billets, allez sur lepointdevente.com. Le public est appelé à participer à une recherche portant sur les traces de l'ADN. Les participants doivent remplir un questionnaire de généalogie et fournir un échantillon buccal. L'anonymat des données est respecté. Les résultats serviront notamment pour le domaine judiciaire médical. À la fin de l'année, un prix de 300$ sera tiré parmi tous les participants. Pour s'y inscrire, contactez Audrey, A-U-D-R-E-E, .garreau, G-A-R-E-A-U, Trait d'Union Léonard, A-U-Q-T-R.ca. L'Accueil Bonneau de Montréal a décerné le prix Monique Sicard aux étudiants et professeurs du département de podiatrie de l'UQTR. Ce prix a été remis en raison de l'implication du département auprès des itinérants fréquentant l'Accueil Bonneau. Deux autres cliniques de soins ont été instaurées à Québec et à Trois-Rivières. Félicitations au département de podiatrie. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était C'était l'Info Campus écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin, ici même. Les deux sont devant nous. Bonjour. David, ça va? Bonjour. Bonjour. Okay, ça va bien? Je tiens à dire. Quoi? Hello. Parce que là, vous m'avez passé plein de commentaires tout à l'heure. J'ai dit qu'on avait mis un périmètre de sécurité aux alentours de David. C'est juste parce qu'il est gaffeur. Puis là, il y a des choses liquides qui vont être en jeu. OK? Je dis pas qu'on met en cage David, là. Attention, là. On aimerait faire ça, mais je crois que ça irait à l'encontre des règles, vu qu'il est employé assez fou. On pourrait exactement. Pas. Ça, c'était pas mes dires, excuse-moi. David. C'était juste les siens. Donc, c'est vrai. T'as entendu, hein? La raison, en fait, on a gardé pour commencer, autre que Tania et moi, on a gardé Alex Marchand, la collègue de la GE. Ouais. Rebonjour. Bonjour. David Perron, qui est là, rédacteur en chef du journal sur le campus. Je boude. Ouais. Et on va faire la chronique une grosse pointe d'adresse où on va goûter à quelque chose. Et David a choisi de nous amener quelque chose de liquide. Et David a la réputation d'échapper sa monnaie par terre 3 fois par jour à date devant moi. Son téléphone au moins 4-5 fois par jour, environ. Autant que ça, là. Ça sourit des fois, je pense. Il s'enfarge dans les prises de courant aussi. Il ferme des power bars. Donc, tu sais, on a juste pris une petite précaution. Une petite précaution, on n'a pas le choix. C'est une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la clé dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté à l'épicerie ou dépanneur dans une rangée qu'on ne devrait pas fréquenter. Je le répète pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Alex Marchand de la GQTR est toujours là. Oui. David Ferron du Journal Zone Campus. Mathieu, est-ce que t'as dit tiroir? Du tiroir, c'est l'expression qu'on utilise pour ça, parce que je voulais pas prendre l'expression produit du terroir, parce que c'est clairement pas des produits du terroir, là, on parle de liqueur. Fait que c'est du produit du tiroir. Pourquoi? Et tu fais très bien de le demander, parce que je le dis pas à chaque semaine, c'est parce que les produits qu'on achète pour cette chronique-là finissent dans mon tiroir de bureau. Oh! Caché. Ça doit sentir bon, ça, des fois, genre à peu près 5 mois après la dégustation. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle crée la mousse dessus. Est-ce que ça reste dans ton bureau, ça disparaît? Non, ça disparaît dans mon ventre. Oh, ah, mais je ne vais pas dire les produits de mon ventre, parce que ça... C'est dégueulasse. Ça reste dans le tiroir jusqu'à la chronique, et une fois que ça sort, on mange en studio, et s'il en reste encore, j'en offre aux autres employés, et après ça, je les ramène chez moi. Voilà. C'est le fun, hein? Donc aujourd'hui, c'est David Ferron qui nous a amené un produit. C'est de la boisson gazeuse. David, parle-nous de ce que tu as choisi et pourquoi tu as choisi ça. Pourquoi est-ce que tu as premièrement eu l'envie de venir te présenter à l'émission, de t'incruster dans notre émission, de t'imposer. D'abord, merci de m'accueillir si généreusement. Ça fait plaisir. On t'adore, David. C'est pour ça qu'on veut t'avoir le plus souvent possible. On t'a invité. La porte est grande ouverte tout le temps. Sauf lorsqu'elle est fermée. Parce qu'on n'est pas en studio, parce qu'on allait juste de 16h30 dans le bar. C'est pas grave, j'ai ma carte pour passer n'importe quand. Hey, c'est vrai. Ça veut dire qu'il pourrait aller même voir dans mon tiroir les produits à l'avance. C'est vrai. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Ouais. Ah non, c'est vrai. Ah, il est parti. David a disparu. Ah, en plus, c'est quelqu'un qui fait ça, il s'en va pour vrai. Oui, oui. Il est vraiment parti. Il a littéralement droppé ses écouteurs. Oui, mais c'est pareil comme dans un dessin animé, sa chaise, elle tourne pendant 2 minutes jusqu'à temps qu'il vienne. Il est revenu avec des... Oh, non, David, cache ça, c'est pour plus tard. Les pâtes d'ours dip, genre... Oui, au caramel, ça est malade. J'ai pas déjeuné encore. C'est dans une prochaine... La cruauté. Dans une prochaine chronique. Oui, dans une galaxie proche de vous. David, dans son propre monde, qui est allé nous chercher ça, merci. Donc, cette parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, c'est de la boisson gazeuse. Oui. Quelle sorte? C'est de la Jones. Jones, Mr. Jones. Oui, exactement, parce que près de chez nous, il y a un dépanneur et un jour, alors que je voulais pas boire du Coca-Cola ou Pepsi ou quoi d'autre trop connu ou trop... Collant. Exactement, donc j'ai vu cette liqueur-là, c'était, je pense, bleuet, mais la bouteille était bleue, mais bleu, genre... Radioactif, j'ai jamais osé goûter ça. Tu sais, comme framboise bleue en slutch. Ouais. Mais c'est très bon, puis en plus, les ingrédients, oui, c'est sûr que c'est du sucre, mais on dirait que c'est moins secret, puis je trouve que le goût est plus original. Et là, j'ai acheté 4 sortes. OK, 4 sortes, lesquelles? D'abord... Là, ils sont encore fermés, donc tu peux y toucher. Oui, à moins que j'échappe la bouteille. Oh boy! Oh, moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'on peut définir ça comme, mettons, de la liqueur hipster? Oui! Pas tout à fait. C'est comme de la liqueur de micro brasserie, genre. C'est de la craft soda. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le commis refuse d'en vendre si t'as pas une moustache. Exactement. J'avais pas ma chemise carottée, mais j'avais une belle queue de cheval, fait que pour compenser. C'est mon passeport. T'as fait pousser ton man bun un peu, hein? Ouais. T'es rendu un man queue de cheval. Oui. Un man queue. Nasty hombre. On rit dans notre barbe. Malaise. Ouais, nasty hombre, comme hier, c'est Donald Trump qui a traité quelqu'un de bad hombre. Mais au lieu de dire hombre, il a dit hombre comme des cheveux hombre. Ouais. C'est drôle. Exactement. Ouais. Donc, sur Twitter, vous allez voir plein de coupes de cheveux. Ouais. Pour la 16e fois, les sortes de liqueurs. Oui, donc d'abord, on a la Jones à la racinette. OK, une root beer classique. Ouais, root beer classique. Oui, et ensuite, il y a ça de la fraise limite. Limite et non pas fraise limite comme dans juste borderline. Pas dans ce sens-là. Peut-être que vu que c'est limite aussi, est-ce que c'est plus fraise que limite ou c'est équilibré? Ah, c'est ça. Ben oui, peut-être fraise limite, limite... Limite. Ben oui. C'est ça. Donc, la troisième, c'est soda aux pommes vertes. Ah, tu l'as enfin tu l'as trouvé pour vrai parce que je l'avais pas vu encore. J'avais vu juste sur Internet. Wow, c'est la tienne. Malade. Et après ça, ça va être soda mousse à l'ananas. Et je tiens à dire que qu'est-ce qui distingue Jones des autres sortes de boissons gazeuses? Ouais. C'est que d'abord, c'est du sucre de canne. Ah, ça c'est bon parce que du sucre de canne, c'est les gars sont comme les liqueurs qu'on connaît, les liqueurs classiques de Coca-Cola, Pepsi sont avec du sirop de maïs à teneur élevée en fructose, truc. C'est pas du vrai sucre. Non. Quand tu sors du vrai sucre, ça fait fureur. Même Pepsi avait sorti un cola avec du vrai sucre, ça a pas duré trop longtemps. C'est pas celui-là qui est revenu là, la bouteille verte. Non, ça c'est le Coca-Cola Life avec la moitié des calories, c'est sucré avec du stevia. C'est rendu santé, Coca-Cola, quasiment? Ben, moitié santé, mais... Ouais. Donc, tu dis, avec du sucre de canne, ce qui est parfait pour de la liqueur, parce que le goût est vraiment beaucoup plus intéressant, ça coule mieux en bouche, ben c'est comme caraméliser du sucre, du vrai sucre de canne. Oui, puis l'autre chose, c'est des photos que les gens prennent aussi, qui se retrouvent sur la... En fait, l'étiquette. Sur la bouteille. Ouais. Les gens peuvent soumettre une photo sur le site de la compagnie. Ben oui. Jones Beverage Company. Et peut-être que la vôtre sera sur Jones. On devrait en faire une, c'est genre un selfie en studio avec la bouteille. C'est malade. Se ramasser sur l'étiquette. Mais ce qui serait cool encore plus, ce serait d'avoir une liqueur Zone Campus, puis l'appeler Jones Campus. Oh wow. La chronique qui pitille. Oh! La chronique pitillante. Oh my god. Oh, ça, j'adore. C'est comme le restaurant L'Entrejean pétillant. Oh boy. Qu'on se demande... Mathieu, Ouais, c'est ça, ça a l'air sexuel, dis-moi, mais ça existe pas. Mais je sais, c'est L'Entrejean. L'Entrejean pétillant. Il y a quand même une maison de débauche, je tiens à le rappeler. Les Entrejean de Trois-Rivières. Un contrebandier aussi. Hein? Après, aller aux Sœurs Grises pour compenser vos péchés. Ouais, c'est du French tout le monde. Une bière, un French. Au rendez-vous des Est-ce qu'on l'a dit en nom au rendez-vous des microbrasseries? Mais ça, on l'a dit. Parce que c'était en public, on peut le dire. Est-ce que vous étiez... Ben oui, vous étiez présent au rendez-vous des microbrasseries. J'ai toi, Alex, pas je suis pas certaine. Mais il y avait les exposants des Sœurs Grises qui étaient là, puis c'était juste des gars. Puis les gars, d'après moi, à un certain moment, ils ont décidé de, eux aussi, déguster leur propre bière. mais il y avait beaucoup de filles qui se présentaient au kiosque. Puis un des gars derrière le comptoir, d'après moi, c'est sûr que c'est un défi, cette chose. Clairement, oui. Il a dû frencher comme 12 filles différentes pendant... Oh my God! Ce qui était fun, c'est que les gars embrassaient les filles s'embrassaient elles-mêmes, oui. Les filles embrassaient les autres gars. Puis là, ils leur donnaient des bières. Ah, c'est fou. Mon Dieu, les Sœurs Grises devraient se repentir. Ça va aller en enfer. Il y a des photos qui ont sorti sur la page Facebook de C'est fou à la suite de l'événement, puis il y avait une photo du gars en question. Oh! Puis là, il y a comme plein de profs de l'UQTR qui ont commenté, genre, on le sait bien, un French, une bière. C'est malade. Est-ce qu'on les a cross-postés? Oh, excuse-moi de le parler. Fait un postage croisé sur la page des Sœurs Grises pour leur montrer. Oh, ça serait malade. Mais tu vois, j'ai été faire une petite visite aux Sœurs Grises puis ils travaillaient pas. Ils ont été renvoyés peut-être. Mais dis-toi que la photo du French a probablement fait 11 jalouses en plus. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, t'imagines les 11 autres qui ont frenché pendant la veillée, qui se passaient toutes, qui étaient la seule. Les privilégiés, mais sont oui. pas. Oh. On pourrait quasiment faire une série là-dessus. Ouais, ça serait pas clairement. Cool. Ouais. Bref, donc les liqueurs Jones qu'on va goûter ensemble, je me demande comment on va procéder. On a 3 verres en ce moment. Oui. On est 4 en studio. Je vais vous donner un shooter chaque, j'aime ça. Puis faut gargariser ça, puis vraiment faire entrer l'air en même comme temps. Comme un vin. Évidemment, étant donné que David, on vous a avoué tout à l'heure qu'il est un petit peu gaffeur. À peine. Juste un peu. Tania manipulera les bouteilles. C'est exact. Les a enlevés du champ pour que je les bras de David se rendent. C'est mieux, par exemple. Ben, moi, je l'ai pas vu. Est-ce que tu pourrais me les prêter, s'il te plaît, parce que je me rends pas. Ouais. Non, après tout ce que t'as dit sur moi. Échappelais pas, là. Moi, je tiens à dire que j'ai rien dit, c'est toute Mathieu. Oh mon. Brasse-les pas non plus. Ouais, non, hein, c'est ça. Donne une petite chinotte dessus. Messieurs. Sur moi ou sur les bouteilles? Sur la... J'ai décidé qu'on allait commencer par la classique, c'est-à-dire root beer. C'est bon, c'est traditionnel pour commencer. Si vous voulez savoir, bien, il y a comme une petite histoire de la famille Jones sur l'étiquette. Ça dit « Chez Jones, nous sommes des gens ordinaires qui fabriquent de bons sodas, point. Nous nous contentons de laisser parler nos produits. Nous ne prétendons pas que nos boissons auront un effet sur votre popularité ou sur la brillance de vos cheveux. Toutefois, si nous aimons votre photo, nous l'afficherons sur une de nos bouteilles. » Mon Dieu, le texte est tellement prenant. Je pense que la chaise de David tourne encore. Oui, il est encore petit, mais on sait chercher les Kleenex, je sais pas. Là. Ça? Il avait l'air ému. Peut-être qu'il prépare un dégât futur. Il va revenir. Je vais vous dire les ingrédients de la root beer. Okay, le quatrième verre, merci David. Donc, les ingrédients de la root beer, c'est bien évidemment de l'eau gazéifiée, du sucre de canne, on l'a dit tout à l'heure, c'est fait avec ça. Du caramel. Oh, miam. Des arômes naturels. On parle de sodium aussi, du sorbate de potassium, de la gomme arabique. Ouais. Et vous aurez compris qu'il n'y a pas grand épinette là-dedans, mais... Non, pas de vitamines non plus, pas de bonnes choses. Non, pour la... malheureusement. Donc, on assiste à une gomme du Moyen-Orient. Je tiens à souligner quand même que c'est Produit importé. Exactement. On va en profiter avant que Donald Trump soit président. C'est ça, ouais, qui va empêcher l'importation, tout ça. Ah, puis il y a des petits mots dans les capsules. Hein? Ah oui? Oui, c'est marqué « souriez toujours » ou plutôt « always smile ». Wow. On remarque que ça n'a pas fait tant de bruit en l'ouvrant. Hein? Non, je sais, ça n'a pas entendu. Ça a pas sûr que ça va pétiller. Ça n'a pas pétillé. Ça sent la root beer du AEW. Oh, on aime ça. Oh, ça, c'est bon signe. C'est très, très bon signe. Même la diète est bonne, eux autres, fait que ça. Oh, oui. Ils ont l'affaire. Ton shooter, David. Sur ton hamburger, par exemple, pour. Non, ça n'a pas le papier gustatif. Chose à faire. Ton shooter, Alex. Merci. Ah là, j'imagine qu'il va falloir que ce soit Tania qui me le donne par le sac. Est-ce que tu es capable de passer par David? Est-ce que tu es capable de ne pas l'échapper, David? David, je sais que tu fais semblant des fois de faire des gaffes puis, pour te récupérer mais après. Fais pas ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Un sur quatre. C'est stressant. Chacun sa caractéristique, hein. Stéphanie était une soulonne. Jean-Philippe Charbonneau était le gars qui mange tout le temps. Et David est le gaffeur. Tania, t'as pas encore de caractéristiques, par contre. Je suis correct avec ça. Donc, on va gargariser ça. On sent un petit peu pour l'instant. Ouais. Très caramélisé, ouais. Ouais. Très sucré. Un peu de fraîcheur aussi. Oui, on peut le sentir. Les températures pièces, hein? Les quatre sont températures pièces? Sont froides. Oui, ils sont directement prises du réfrigérateur. Du congélateur. Génial. Est-ce qu'on goûte? Oui, go. 3, 2, 1. Je pense que je goûte la gomme arabique. Ouais. Je trouve moins sucré que j'aurais pensé. Hein. Oui, c'est vrai. Ben, beaucoup moins sucré que celui du AEW, en tout cas. Ben, vraiment. Exactement. Ça goûte celle du AEW, mais moins sucré. Ouais, pas fade. C'est comme mon nouveau coup de cœur. Ouais, c'est ça. C'est pas fade. C'est juste entre. C'est parfait, je pense, comme ça va. C'est coloré. C'est coloré brun. AEW disent qu'elle a l'air est crémeuse. Ouais. Je dirais que c'est un petit peu la même chose, mais moins sucré, moins agressant. David, t'allais dire? Ben, peut-être avec un bon steak. Avec un bon steak? Ouais. Ok, toi, tu fais des pastilles de saveur. Oui, c'est ça. Ben oui. J'aime ça. Une bulle qui est quand même agressive, genre, oui. Sur le début de la langue, là. C'est vrai, ça me rappelle un peu, je sais pas, c'est con, j'ai tout le temps des comparaisons absolument douteuses dans cette chronique-là, mais c'est un peu sirop, genre. Ouais. C'est sirop. Sirop d'érable, de caramel. Oui, en fait, ça sort d'un arbre puis qu'ils l'ont fait mousser. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir mangé de la tire d'érable, tu sais, l'espèce vraiment. De sensation qui te reste dans la bouche, là. Exactement. Alors, on a tout le palais collé, finalement. Ouais. Tania, t'as une très bonne idée. T'as mis un petit peu d'eau dans ton verre pour enlever la saveur. Il me reste plus beaucoup d'eau dans ma bouteille, par contre, mais si vous voulez, messieurs, je vais vous... J'en ai un petit peu de mon côté aussi. David, tu veux un petit peu shooter d'eau? Rince nos verres. C'est parfait, ça. Ah, c'est cool, ça. Messieurs, vous avez le choix. Laquelle vous voulez goûter par la suite? Pomme verte, ananas ou fraise limette? La pomme verte a l'air vraiment radioactive. C'est vrai, hein? Ça m'intrigue. Pomme verte? Ça vient d'un film de science-fiction, je pense. C'est fait avec des gens, des humains. Des gens? C'est comme le Green. C'est malaisant. Ouais, ou ça? Ouais. Il y a pas grand... Ouais, au niveau du son, là. Grand effet sonore, là. Le mot à l'intérieur du bouchon est? A distance romance will begin to look more promising. Une relation à distance va commencer à avoir l'air plus prometteuse. C'est comme l'alcool. On dirait que c'est dirigé extrêmement vers ma vie. C'est bien. J'aurais besoin de vos verres, oui, messieurs, bien évidemment. Alex, t'as terminé? Oui, oui. Mais pas les verres. Non, inquiète-toi pas. Beaucoup trop prudent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces quatre bouteilles-là après? C'est beaucoup de liqueur quand même. Je sais pas, on va se promener pour avoir distribué. Alors, on dirait vraiment qu'on va boire du scope, là. Oh oui, c'est vrai, hein? Ou bien de l'ectoplasme. Il y a Eddie Murphy qui va apparaître quelque part, je pense, sur la part. Le blob, il y a pas un film de blob avec. Un formol, c'est comment? Plaxmol? Non, c'est avec. Non, c'est avec Robin Williams. Ah oui, il est mort. Non, mais moi, je disais que la couleur était comme celle de Plaxmol. Oui, pareil, c'est vraiment bizarre comme couleur. Ouais, ben ça sent ce que Susson à la pomme verte goûte. Oui. Vraiment, un Susson fondu. Ça s'appelle pas les Rockets, les Starbucks. Non, pas les Starbucks non plus. Starburst. Les Jolly Ranchers. Ah, Jolly Ranchers. Oh, effectivement, on est très proche du Jolly Rancher. Ouais, très. Oui, ça va probablement faire un petit peu mal aux joues, tu sais, on dirait. T'as l'impression que ça va. C'est surette, là. Surette. Êtes-vous prêt? Ouais, go. Est-ce qu'on se lave les dents, là? Il y a un arrière-goût de vraie pomme, je trouve. Vraiment? Oh, c'est oui, pomme verte. La sensation en bouche est vraiment celle d'une pomme, effectivement, David. C'est intense, en maudit. Mais vous le ressentez-vous, le petit... Ouais, petit j'ai pas senti, mais ça me rappelle, on dirait un Pops qui aurait fondu, celui-là. Ouais. Oh oui. Vraiment. C'est vrai. La pomme verte, c'est bizarre parce qu'il y a comme un petit kick de pomme puissant dans l'œsophage quand ça descend. Ah ouais, ça va pas bien. T'as pas mangé, toi, un matin, hein? C'est mais je l'aime bien, celui-là, mais je pense pas que j'en boirais une bouteille complète de coup sec. Non. Non. C'est... Avec des chips, peut-être. Avec des Lay's. Ouais. Bonne idée. Un petit peu de salsa. T'es en train de se préparer un snack. On devrait faire chronique, mesdames et messieurs. Après Benoît Gagnon et son émission de mythologie, on va faire l'accord chips et liqueur. Ouais. Un steak puis des chips. Un steak et des chips. Après des kiwis des Andes. On va se faire un lunch complet avec cette histoire. David, t'as ton opinion? Tu n'as pas parlé de celle-là encore. Ben moi, ce que j'aime, c'est que ça goûte vraiment la vraie pomme verte. Ça qui a un côté plus sucré, mais j'ai pas l'impression de boire du Plaxmol, mettons. Non, c'est ça. C'est pas comme aller aux pommes, mais c'est une alternative à aller aux pommes. Non, ben c'est sûr que la vraie activité de cueillir les pommes, c'est inébattable. Ouais. Ben, on dirait qu'on assiste quand même au même genre de bulles, par exemple. Je pense qu'ils font tous la même machine, je sais pas trop. Parce c'est que... sûr, hein? Ouais, c'est souvent c'est du sirop concentré de pommes qu'ils mettent là-dedans, mais ils en mettent peut-être une coche de trop, je trouve. Ouais. Il aurait peut-être dû réduire le sirop de pommes. Ah, c'est vrai, ça. La prochaine va être fraise limette, messieurs. Ouais. Je l'ai pas encore senti. C'est coloré, ça. Et le petit mot, c'est la nature, le temps et la patience sont les trois plus grands physiciens. Oh. Hey, c'est songé un peu trop pour. C'est pour malade, hein? On dirait que ça fait vraiment hipster, Alex. Ça fait vraiment... Mais on est habitué de voir fraise et kiwi, on est habitué de voir fraise banane, mais là, mais la fraise limette. Je voulais dire que c'est très très rouge, là, puis que ça sent rouge aussi. Puis tu sais, comme tu vois pas le fond du verre, tout à l'heure, le verre, on pouvait voir le fond, là, c'est comme. C'est, hein? Mais là, on dirait que l'odeur est très très très chimique dans celui-là. Ouais. Ça, ouais. C'est trop. On goûte? Encore là, Jolly Rancher est très présent. Oui, ouais. La limette donne un petit côté spécial, je trouve. Moi, on dirait que ça vient équilibrer le goût de la fraise. Ouais. Vous goûtez la limette pour vrai? Ouais, un peu. Mais... Parce que sinon, ça goûterait la liqueur aux fraises. Ouais. Mais c'est, tu sais, pas les Fruitopia, un peu Fruitopia d'ailleurs. Ouais. Oasis peut-être. Les Oasis très très sucrés. Non, mais les jus fruités, moi je trouvais, tu sais, le rouge là. Fruité. Ouais. Oh, ouais, j'ai cherché les fruités que tu faisais tirer par la fureur. C'était vraiment ça. Mais il y a un petit côté grenadine, je trouve. Ah, ouais, c'est vrai. Mais très rafraîchissante celle-là, je trouve. Mm-hmm. Elle a un petit quelque chose pour l'été, là, dans un drink avec, je sais pas, ben de la glace puis de l'alcool. Ouais. c'est vrai. Elle a vraiment une belle rondeur en bouche. Oui, c'est ça, une jupe. Ça vient un peu nettoyer le palais. Ouais, exact. Il y a vraiment absolument rien. Genre de fraises ou de lime dans les ingrédients. Il y a de l'amidon de maïs modifié, de la gomme ester. On n'est plus... On a changé de gomme. Ça vient des sœurs grises. Il y a du rouge à l'ura. Ça, j'imagine que c'est le colorant. Ouais. C'est pourquoi c'est si rouge. Donc, il n'y a aucune trace de fraises, aucune trace... C'est spécial. Non. Les c'est autres, marqué arôme naturel et arôme artificiel. Ouais. Celui à la pomme? Celui à la pomme... sucre de canne, arôme naturel. C'est ça, colorant. Ouais. C'est pas des produits naturels. Hein? Non, pas vraiment. Il nous reste le dernier, c'est saut de mousse à l'ananas. Ananas, quand même. Ça, c'est original. Ah, lui, il a pétillé plus que les autres. Et le petit mot, c'est... climb a tree. Tu sais, là, monte un arbre. Climb a tree, OK. grimpe un arbre. Grimpe un arbre, voilà. Merci, Mathieu. Je me souviens plus de... la définition francophone. Pendant que tu verses, je vais aller voir sur le site d'autres saveurs qu'il y a. T'as à la cerise, t'as huckleberry, j'imagine une sorte de baie. Merci, David. Oh, le jaune aussi est jaune, messieurs. T'as soda limonade au baie. Qu'est-ce qu'il y a? Cola normal. Ils font du cola normal, hein, liqueur brune traditionnelle. C'est la rubée, non? Non, une brune, genre cola normal. T'as crème soda, t'as à l'orange... foufou berry, il y a plusieurs sortes de baies. Hein. Bon, on est prêt à goûter celui-là? Oh, l'odeur est plus plaisante que les autres, je trouve. C'est plus doux. Ça sent-tu le pina colada? Oui, oui, exactement. C'est, je trouvais pas l'odeur. Là, je... Ah oui, pina colada, c'est exactement ça. Merci, Tania. Oui, fait plaisir, fait plaisir. C'est vrai que ça sent ça. Oh, miam. Oh, je l'aime, goûte aussi. Oh, mon Dieu. Il est beaucoup moins intense que les autres. Hein. Ouais. Mélanger avec du Malibu, là. Je savais que tu pouvais mettre de l'alcool là-dedans. Ou de la vodka peu. Oh. Moi, je vote pour lui à date. Ouais, c'est vraiment mon problème. Ouais, moi aussi. Ben, c'est juste le jaune chauve qui fait jaune années 70. C'est vrai que c'est un drôle de jaune. Il fait jaune. Ben, ça fait, ouais, ça fait pipi vraiment quand t'as pas ça fait jaune pipi radioactif. Ouais, mon Dieu, oui. Tu sais, genre, avant d'aller passer un scan, il te donne un liquide jaune à boire. Vous trouvez pas que ça fait un petit peu genre quasiment mangue? Mangue ananas, je trouve. Leur ananas est pas aussi sucré que des vrais ananas maintenant. Il est pas agressant. Pas agressant. Mm. Contrairement à, je trouve, pomme vraiment trop agressant pour moi. Oui. Le fraise limette, là. Pas sûr. Fait que je dirais root beer en deuxième place après le jaune. Ouais. Moi aussi. Après ça, j'hésite par exemple. Le troisième, je sais pas si je mettrais le pomme verte ou le fraise limette par exemple. Fraise limette, je pense. Pomme verte est trop. Ah, je sais pas, moi j'aime bien le petit côté sour. Ah ouais, hein? Ouais. C'est ça fait shooter de je sais pas comment on appelle ça, le sour puss. Sour puss. Ouais. Grab them by the sour puss. Répète pas ça, chasse Gary. Ah, ben, Colin, moi je dirais. Je sais que d'habitude, il faut donner pouce en l'air, pouce sur le côté ou pouce en bas pour le produit en tant que tel. Là, on a 4 produits. En général, est-ce que vous metteriez votre pouce en l'air pour la gamme? Oui. Je pense que oui. Pouce en l'air aussi? Oui. Tout le monde? Oui. Super. Oui. Hey, 4, c'est quasiment plate de tout être du même bord. Tu sais, ce que j'aime, c'est que le pétillant, là, il fait pas comme le pétillant, mettons, de crush ou quelque chose. Il trempe pas dans le nez. Effectivement. il reste doux. Comme ça, tu peux mettre autre chose dans le nez à la place. Mathieu. Je tiens à souligner la principale différence entre le Coca-Cola et le Pepsi, qui est quand tu rotes un Pepsi, ça fait mal. Est-ce que vous êtes plus Coke ou Pepsi en général? Je bois pas de liqueur comme ça. David? Ben, quand je bois, c'est plus Pepsi. Ouais. Alex? Ah, moi, sérieusement, c'est toujours un dilemme, dépendamment dans quel restaurant je me trouve ou dans quel dépanneur. Tu sais, il y en a pas toutes, là. Moi, je bois vraiment selon mon instinct. Ouais. Sérieusement, là, moi, à chaque fois que je vais boire de la liqueur brune comme ça, c'est quand je bois un rum and coke. Ah! Donc, automatiquement, c'est du coke. Voilà, même chose. Et pour les gens qui vont à l'UQTR fréquemment, ben, ils ont pas le choix, c'est Coca-Cola ou rien. Ouais, exact. Hein? Youpi doo! Parce que moi, en tant que tel, je suis Pepsi, puis je suis obligé de boire du Coca-Cola ici. C'est comme ça ici. C'est comme ça, les ententes. Exactement. Merci à tous pour votre participation à cette collecte-là. C'était vraiment cool. Oui. On n'avait pas de 2 produits, Mathieu. Est-ce que vous voulez essayer l'autre produit? David, est-ce que tu veux que je t'envoie en mission? Parce qu'on a le temps, en fait. David? Manger! Ben, moi, je vais devoir vous quitter, par exemple. On va en profiter pour prendre la pause. On va revenir avec un deuxième essai. Et en plus, des nouvelles de fast-food. C'est au retour. Merci, Alex. Merci, Alex. Et on revient dans quelques instants. Bonne journée. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à sur la Jockey en ce jeudi 20 octobre 2016. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a toujours avec nous David Ferron pour continuer une grosse pointe en dresse. On était rendu tout à l'heure, donc on va remettre l'intro juste pour se remettre dedans parce que c'est tellement divertissant. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la colline dans laquelle on goûte, on mange, on boit un produit qu'on achète en épicerie, en dépanneur, peu importe. Tantôt, on a commencé en buvant de la liqueur Jones. Et maintenant, on va continuer. On est rendu à un deuxième produit. Ah, tu vois, Alex Marchand s'est fait offrir de garder une bouteille. Et il garde, il a choisi... Pomme verte! La pomme verte, c'est un choix, ça. Elle sait où c'est un bon choix, il aime ça. Ça va lui faire des petites joues, là. Oui, oui, ça va être oui. Drôle. Oh, yeah. Amuse-toi! David est en train de se verser de la root beer. Maintenant qu'on a goûté à cette liqueur-là, on va pouvoir y aller avec notre deuxième produit de la semaine. Et en fait, ça va être deuxième et troisième produit. Ou si on compte chaque liqueur indépendamment, ça va être les cinquième et sixième produits qu'on va goûter aujourd'hui. On se garde. Et comme c'est quoi, c'est David tantôt qui a dit qu'on allait finir diabétique? Oui, mais il s'en est repris, tu sais. Ah, c'est ça. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il remplisse son ventre. Ben, je vais mourir heureux au moins. Voilà. C'est une belle façon de voir les choses. Oui. Tantôt, est-ce que vous vous rappelez de quoi vous avez parlé quand vous avez dit, quand on a goûté à la pomme verte? Ce que vous avez dit que ça ressemblait à. Est-ce que tu t'en rappelles, Tania? Attends, de quoi on parle? La liqueur verte, à quoi ça goûte, ça te faisait penser? À quoi ça me faisait. Du scope? Non, ça te faisait penser à des Jolly Ranchers! Oui! Oh! J'ai apporté, parce que c'est le mois thématique de l'Halloween pour le mois d'octobre, donc j'ai apporté des bonbons et des trucs comme ça pour chaque émission pour le mois d'octobre. Et donc aujourd'hui, je vous apporte les Jolly Ranchers en bouchée. Donc, c'est des bouchées qu'on peut apparemment mâcher. Parce que j'aime pas tellement les Jolly Ranchers en bonbons, ça fait mal. Non, mais ils sont pas bons, non. C'est trop, en attends, même temps. Ça dépend lesquels. Oui, c'est ça. Ben, justement, les saveurs qu'on a ici, c'est original, donc pareil comme les bonbons qu'on aime peut-être un petit peu moins, et les saveurs tropicales. OK. Donc, les Jolly Ranchers en bouchée original, c'est pomme verte, melon d'eau et framboise bleue. OK. Ça a vraiment l'air d'être comme des gommes, mais je sais pas si ça se mange comme une gomme ou comme un bonbon. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Et la version tropicale, c'est fraise kiwi, ananas et citron lime. Donc il y a rien en commun entre les deux, chacun a des couleurs, a des saveurs différentes. C'est fait à partir de saveurs naturelles et artificielles. C'est des 58 grammes, donc des petits paquets, je dirais, de cigarettes, style, des cartons de cigarettes, si on veut. Et si on lit à l'arrière, bon, un sucre. Surprise. Évidemment. Sirop de maïs, qui est aussi une sorte de sucre. Huile de palme modifiée, qui je crois est aussi une autre sorte de sucre. Acide malique, gélatine, arôme naturel et artificiel, monostéarate de glycérol, colorant, sulfite, huile minérale, amidon de maïs et lécithine de soya. Donc plein de choses très bonnes pour la santé. Hein? ça dit, attention, les petits bonbons durs peuvent se loger dans la gorge par inadvertance. Eh, mon Dieu! Mais pourquoi est-ce que ça me parle de bonbons durs si c'est supposé être des bonbons mous? Ils contiennent peut-être des petits bouts durs. Peut-être des petits bouts durs. Dans le fond, aujourd'hui, t'as trois choix. Soit que tu meurs du virus papillon humain, soit du diabète ou étouffé par un bonbon. Ah, tu sais, tant qu'à faire, je vais choisir les bonbons. Écoute, je pense que j'irai avec le même choix que toi. Je regarde d'ailleurs sur la boîte, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. C'est importé par Hershey, les chocolats. Ah ouais, je savais pas. Ouais, je savais pas non plus. Je t'envoie ça. Tania, attention, je vais te les lancer, ça va aller mieux. Et pas sur les bouteilles, je vais pas faire d'abat, s'il vous plaît. Hey, quasiment d'en face. Ouais, c'est ça. Ils ont pas lancé ses bouteilles. Je vous rappelle. Presque assommé avec. Pour ceux qui nous regardent à la caméra 3 en Chine, j'ai lancé avec ma main gauche, ce qui n'est pas habituel pour moi, et j'ai réussi à te les envoyer. Donc, bravo à moi quand même. Monsieur, vous voulez commencer par original ou tropical? On commence traditionnel comme on l'a fait avec les liqueurs tantôt? Moi, ça me dérange pas. En fait, je connais même pas cette marque-là. Oh, tu vas découvrir quelque chose. Découverte. On y va. Il y a une petite languette en plus déchirée ici. Ooh. On adore ça. Voilà. Oh. Évidemment, pourquoi ces languettes-là, ils déchirent tout le temps juste à moitié? Ça marche jamais. C'est que... Aidez-moi donc. Tant qu'à faire, faites ça même. Oh, emballé individuellement. Oh, ouais. Donc, je pense que je vais y aller pour le rose qui est au melon d'eau. Melon d'eau, ça aurait été mon choix. Tiens, David, je te prête la boîte, t'en choisis. Faut que tu prennes autre chose que melon d'eau pour qu'on goûte chacun notre sort. Ah, OK. Le bleu. Le bleu. OK, donc moi, je suis pogné avec quoi? Le vert. Voilà. On peut switcher aussi. Bon, ça va. Donc, ouvrons, c'est quand même petit. Ça ressemble à un Bazooka Joe un peu petit. C'est vrai. J'ai ça, ces emballages-là sont durs à ouvrir. Ouais, c'est ça. C'est comme plié puis collé sur les côtés. C'est pas le fun à ouvrir. Ça a l'air assez mou quand j'y touche, hein? Ça a l'air d'être de la pâte à mâcher. Ouais. Peut-être un genre de Starburst, comme tu as dit tantôt. Ouais. D'après moi, ça va ressembler à ça. Êtes-vous prêt? Ouais. Non. Non, David. David, il capote. Non seulement il est maladroit, mais en plus, quand il a besoin de faire quelque chose de précision avec ses doigts, ça marche pas. Tu l'as-tu? Déchire-le au pire. Okay, tu le fais. Mange-le avec. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est quand même collant, donc le papier colle après. Okay. Okay. On est prêt? 3, 2, mange pas le papier. 1, c'est parti. Non, mais tout fou. Ah, c'est quand même dur, hein? Mm-hmm. Très dur. C'est vraiment dur. Plus dur qu'un Starburst. Ah, ça me pogne les joues. Ouais, hein? Ouais, ça me fait les bouts de la mâchoire. Mais ça, t'avais... C'est vraiment surréal, hein? En tout cas, le mien. Moi, je laisse ça fondre dans ma bouche. Mm-hmm. Ben, tu peux aussi faire ça. C'est clairement vous pas de la gomme. Vous avez pris que le... Quelle saveur? Ça pogne les dents. Moi, c'est la pomme verte. David, c'est de la framboise bleue. Hein? Ouais. Hey, le melon d'eau, là, c'est puissant. Comme... La mâchoire me fait des bis-bis. Ben, c'est moins intense, on dirait, que les bonbons durs. Tu trouves? Ben, plus facile à manger. À manger. Ouais, mais je trouve qu'ils sont plus surettes. Ah ouais? Mm-hmm. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté un vrai Jolly Rancher. Parce que Jolly Rancher, pour David qui connaît pas ça, hey, ça salive à la bouche. C'est pas qu'une séance de French de 4 heures. Ouais. Les Jolly Ranchers, c'est comme des bonbons. Très, très coupant, qui vont comme te fendre les lèvres quand ils sont coupants. C'est juste pas plaisant à manger du tout. C'est bien alors que ça, c'est facile à manger. Hey, c'est dégueulasse la salive. Tu sais, est-ce que vous êtes du genre à toujours marcher du même côté, vous? Oui, parce que sinon, je me mords la joue. Pitch-le de l'autre bord. Non. Je te jure, c'est pire pour le côté surette de la chose. Bon, ça pogne tellement, là. Pendant qu'on essaie de terminer de mâcher ce morceau, qui, en passant, fait comme 1 cm par 1 cm. Ouais. C'est pas mauvais, en tout cas, j'haïs pas ça, mais Colin, que j'en mangerai pas souvent. Tu manges pas la boîte au complet en une demi-heure, là. Je partagerais ça avec, genre, une classe de 30 élèves pour en avoir un chaque. Non, t'es fou! Ils vont sauter partout! Ou ils vont s'étouffer. Ouais. C'est ça, un des deux. Des deux bords, tu gagnes. Du côté tropical, je vous nomme les saveurs qu'on peut avoir. Fraise, kiwi, ananas ou citron lime. Fait que, hey boy, c'est fluorescent dans cette boîte, les amis. Mais c'est tropical. J'ai attrapé citron lime. OK, parfait. Attends, David, je vais te le brasser parce que... Ouais, faut que tu ailles au hasard. Regarde pas dans le paquet avant de le prendre. Regarde pas, là. Je sais pas comment il fait. Mais faut pas que je prenne une sorte différente. Ouais, je sais, mais si tu tombes sur la même, on changera, hein. La magie. Oh, il a réussi. T'as pris jaune, c'est ananas. Ananas? Ah, génial. Ah. Et donc, moi, ben, je vais y aller avec un rose. Ils sont juste au fond de la boîte. Il y a quasiment pas de rose. Hey, pour vrai, là. C'est tout le temps de même. Je pense que dans l'emballage au complet, il y a trois roses. Les Starbust, même chose. Ouais. OK, là, remettre ça dans le paquet, c'est difficile, attention. Moi, mon emballage est vraiment fluorescent. C'est pas le meilleur emballage au monde, hein. Bon. On est prêts? On déballe? Mais j'aime bien la boîte, par exemple, parce que c'est fait comme tu peux le refermer, puis ça va rester quand même. Dedans. Mais okay. Vas-y. Il se déballe mieux. Ah ouais? C'est vrai. Moins collant, un peu. Moi, il est déballé. Moi aussi. OK. On est prêts? 1, 2, 3. Go. Oh, ta boy. Yum. Oh, c'est bon, ça. Un citron lime, là. Ça fesse dans le dash. Mon ananas est pas mal bon. Sinon, c'est pas ananas, c'est quoi? C'est fraise kiwi? Yum. Mais c'est parce que j'ai comme l'arrière-goût de l'autre. On dirait que j'ai encore un fond de l'autre bonbon d'avant. Il a fallu que tu te calottes jaune, soda. Ah, bonne idée. Mon citron lime est moins agressant que mon melon d'eau de tantôt. Du côté surette de la chose. On dirait que celui-là, il a comme moins de saveur. Je sens vraiment la texture du bonbon à mâcher. C'est pas une texture que j'aime bien, ça. Je le trouve moins compliqué à mâcher que l'autre. C'est comme manger un morceau de plastique. C'est vraiment la même chose. Ouais. Pas sûr. Moi, je viens de mordre une molaire. Oui, ça nous arrive à tous de mordre une molaire. Bon, mais moi, je dirais pouce sur le côté. Hey, mais tu sais quoi, non? Moi, j'ai avec un pouce en l'air parce que c'est le genre de bonbon. Tu sais, les bonbons bruns là, à l'Halloween qu'ils donnent. Là, les Saint-Catherine. Que personne veut, là. Mm-hmm. Moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Ah ouais. Ouais. Fait que j'aime beaucoup l'espèce de texture présentement. Pas mauvais. À l'Halloween, mais le reste de l'année... Je vous avoue que c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais frotter la langue sur le bonbon, c'est très jouissif. C'est en effet bizarre, et je te dirais de quitter. C'est trop suggestif pour le matin. Je vais même pas répondre à ça. Les malaises qu'on a pu faire aujourd'hui. Ça chatouille. Je me dis, j'ai vécu des choses pas mal plus jouées que ça. C'est donc les Jolly Ranchers bouchés, ça va être original et tropical. Vous pouvez retrouver ça en magasin, bien sûr. Des bonbons en boîte, genre paquet de cigarettes. J'ai reçu le commentaire que ça fait peut-être comme quand on fait manger de la gomme à un chien. Ah ouais, hein? Ouais. Mouah, mouah, mouah. Bon, donc maintenant qu'on a fait ça et qu'on a savouré notre liqueur et nos bonbons, est-ce qu'on parle de nouvelles fast-food? Allons-y donc. Commençons par le thé glacé, en fait. On parle de choses délicieuses qu'on peut ajouter à du thé glacé pour le rendre encore meilleur. Genre de la tequila? Ben, ouais. On se rappelle, Tania, je crois qu'on l'a déjà dit en onde, ton père a arrêté de boire de la liqueur et boit du thé glacé depuis quelques années. Ouais, mais il a vite abandonné la chose. Là, c'est super sucré et si tu veux perdre du poids, c'est pas du thé glacé qu'il faut te prendre non plus. Là. Non, je sais, mais il voulait pas perdre du poids, il voulait juste arrêter sa consommation de... Faut que tu le remplaces par autre chose. C'est ça. Exact. Bref, du thé glacé, ça peut être très très bon, mais il y en a qui trouvent ça un petit peu fade sur de la glace normalement. Donc la prochaine fois que vous avez envie de boire du thé glacé, vous pourriez mélanger ça avec du lait de noix de coco. Ah ouais. Ouais, donc le lait de coco qui ajoute un petit peu de crémeux à votre boisson, ça va devenir riche, onctueux, un petit peu tropical comme nos Jelly Ranchers. Est-ce que vous avez déjà bu du thé glacé température tablette? Non, je sais pas. Oh. C'est bon? Meilleur thé glacé ever. Ah oui. Ouais. Ben, ouais. Peut-être le petit côté citronné, surtout si thé glacé au citron, ça doit sortir plus. Mais si tu parles de vrai thé glacé fait avec du vrai thé, une poche de thé. Non, genre du thé glacé Nesté sans sucre. Ah ouais. Tablette. Eh ben. Malade. Là, je fais une salutation spéciale à ma tante. Oh. Chaque fois que j'allais chez elle, elle me disait petit thé glacé chaud. Fait que thé glacé, c'est de famille. Ouais, ah. Ouais. Les herbes fraîches, de la menthe, entre autres, c'est déjà traditionnel. Il y a plusieurs autres herbes qu'on peut ajouter, comme du romarin. Il y a juste un petit pic floral, ouais. De la menthe spearmint. OK. Menthe, je crois, c'est quoi, glacée, celle-là? Ils ont tellement de noms bizarres pour la menthe. Du tarragon et du basilic. Pas du basilic, ça doit être bon. Ça doit. Donc, ajouter une petite herbe et mélanger tout ça ensemble ou peut-être même faire un bouquet de saveurs. Des épices comme de la cannelle, de l'anis, de la noix de muscade, de la cardamome sont souvent retrouvées dans les mélanges de chai, de thé. On peut créer ça dans sa propre cuisine grâce à ces épices-là. On pourrait aussi ajouter un petit peu de chaleur, de piquant en ajoutant de la cayenne ou de la chiotte. De la quoi? De la chiotte. A-C-H-I-O-T-E, j'ai aucune discussion. OK. Je ferai pas des recherches, ça va prendre trop de temps. Fruits, on parle de citron et de lime pour votre thé glacé. Vous pourriez aussi acheter des tranches de fraises, quelques cubes de mangue, des pommes vertes en cubes pour rendre ça encore plus délicieux. Pour rendre ça un petit peu plus amer, peut-être, comme comme un cocktail, finalement. Donc, on dit d'ajouter... attends, c'est quoi ça? On dit d'ajouter des bitters. Je vais aller voir c'est quoi en français. Ouais, c'est ce que ça veut dire, mais en tant que tel, quelque chose, c'est un objet qui s'appellerait un bitter en anglais. Ah, d'accord. Ouais. Bref, et sinon, c'est pas mal. Le reste, je connais pas trop non plus un ingrédient qu'on connaît dans les plats indiens, du orange blossom, de l'eau de orange blossom. Les oranges sanguines. Je crois pas que ce soit sanguine, je crois que c'est une autre sorte. Mais bref, ça ajoute beaucoup de saveur à votre thé glacé. Allez voir l'article si ça vous intéresse de chercher pour les ingrédients. Ils sont tous là. Mountain Dew qui va sortir une nouvelle saveur, Mango Heat, du Mountain Dew à la mangue. Ah, oh, ouais. Ouais, ça a l'air cool, ça. Il y a tellement de saveurs de Mountain Dew qu'en voilà une nouvelle. C'est ça, comme si on n'avait pas déjà assez. Chez Jack in the Box, un restaurant de fast-food aux États-Unis, on sert un brunch fest. Donc, c'est comme... Tu sais, déjà que le brunch, c'est entre un breakfast et un lunch. Oui. Tu sais, fait brunch. Mais là, entre le déjeuner et le brunch, ils te rajoutent le brunch fest. Donc, c'est un sandwich bacon et œufs avec du poulet à l'intérieur. Mmh. Donc, sandwich qui a l'air absolument délicieux pour le montrer à David. Là. Comme une poitrine de poulet ouais, ou... Ben, poulet pané. Poulet pané avec du fromage, du bacon et un œuf. C'est comme un genre de version pimpée d'un sandwich matinal. Le fromage a l'air dégueulasse, mais le reste a l'air très bon. Ça peut être bon. Ouais. Oh oui. Ensuite, Cheetos, on s'en va au Japon, qui sort des Cheetos au fromage et aux avocats. Non. Miam. C'est comme, dans le fond, du Kraft Dinner au guacamole. Ouais. Ah ben oui, ça a l'air excellent. Ça se fait, ça? Vous êtes tellement conformiste. Non, j'aime pas tant la texture de l'avocat coupé de même. Ouais, c'est ça, mais là, des Cheetos, ça va être à saveur d'avocat. Ok, c'est bon, la texture. Parce que moi non plus, j'aime vraiment pas la texture un petit peu pas gluante. Ouais, comme... genre, ça m'écoute. Ouais, c'est dégueulasse, pour vrai, c'est dégueulasse. Par contre, du moment qu'il est en guacamole, j'ai aucun problème. C'est parfait, une fois que c'est passé au blender. Je pense sérieux. C'est merveilleux. Mais demande-moi pas de manger des morceaux d'avocat. Ou genre faire comme en Australie, puis tartiner de l'avocat directement sur une toast, dégueulasse. Ben, je le fais, mais il va avoir automatiquement d'autres choses avec. Ah oui, pour masquer comme exemple, une tomate. T'allais dire, David? Mais c'est ça, je me dis que ça va sûrement goûter plus le guacamole que l'avocat. Ouais, pour mais ce serait une bonne chose pour des Cheetos, je pense. Non? Je le sais pas. C'est bon. J'ai un petit côté traditionnaliste. Peut-être qu'on pourra l'essayer un jour si ça se rend jusque chez nous. Ensuite, on a de la gomme aux s'mores couverte de chocolat. Pas de la gomme, des gummies, je m'excuse. Aux s'mores couverts de chocolat. Ah ouais? Donc, des petits jujubes enrobés de chocolat, ça a l'air bon. C'est la compagnie Project 7 qui sort ça aux États-Unis. Donc, c'est à saveur de graham et de guimauve enrobés de chocolat. Mmh. Ensuite, là, on parle de gomme, c'est celui-là que j'avais retenu. C'est de la gomme gourmet à saveur de citrouille épicée, bien sûr, saisonnière. Pourquoi mm-hmm. pas, tu sais, de la citrouille épicée, ça tape ses nerfs quand t'en bois en café après, tu sais, une tasse, t'es comme tanné, pis t'as fait comme. C'est un peu comme le lait de poule, tu sais. Je l'ai goûté pour l'année, je peux attendre une autre année avant d'en boire, tu sais. Mais là, tu mangerais ça en gomme, en emballage de 24 morceaux en plus. Pumpkin Spice Delight de Project 7, encore une fois. Toujours un petit produit en bref, extra aux États-Unis qui va sortir, c'est par la compagnie Wrigley's, ils vont sortir une saveur qui dure plus longtemps, donc ça s'appelle Extra Long Lasting Flavor à la cannelle. Donc extra cannelle. Oh. Mais encore plus longtemps de cannelle. Tu sais, ce qui est le fun dans la gomme à la cannelle, je trouve, c'est qu'à un moment donné, le goût du zip. Exactement. Là, c'est comme la cannelle à la saveur. C'est cannelle à la. Cannelle honey. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Cannelle au miel. Cannelle au miel. Cannelle et prunelle. Chez Baskin Robbins aux États-Unis qui testent des cornets de crème glacée qu'on peut tremper soi-même. Tu sais, là, pour les gens maladroits là, qui pourraient. Pas des dégâts. Renverser de l'affaire partout. Je sais pas de qui on parle. Donc, Baskin Robbins qui essaie donc de vous assurer que vous puissiez mettre du sprinkle dans chacune de vos bouchées. Donc, le nouveau menu est simple. C'est un cornet de crème glacée avec une. Dans le fond, c'est un verre de bonbons ou de trucs comme ça. Et tu trempes toi-même ton cornet dans ton bol. Donc, tu vas pas aller derrière le comptoir tremper ça, t'sais. Non, non. Il te le donne dans un contenant et tu trempes ton cornet dedans pour avoir des sprinkles. Là, tu vas perdre ta boule. Ben, c'est supposément assez froid. C'est de la crème glacée solide. Là. OK. Et donc, tu peux tremper, manger, et après ça, retremper dans tes bonbons. Ah, d'accord. Puis quand t'as fini, ben, c'est shooter de bonbons. Shooter de bonbons. Ça veut dire que tu pourras jamais dropper ta crème glacée par terre. Jamais. J'adore cette invention. Ça règle le problème dans ta vie, ça. Oui. Donc, la section, c'est les mini M&M, les biscuits Oreo, des sprinkles arc-en-ciel, des sprinkles au chocolat, de l'amande, donc des amandes en petit copeau, et des Nerds, des bonbons Nerds. Est-ce que vous vous rappelez des bonbons Nerds? Ben oui, ça fait c'était longtemps. Mes oui. bonbons préférés. C'était très excellent. 1,49$ pour un verre de garniture. Et puis les Cone Dippers sont testés en ce moment à San Diego, et on pourrait annoncer plus tard que ça va aller dans le reste du pays. Vous n'avez plus besoin de choisir entre la bière et le café parce que Starbucks va combiner ça pour vous. Simple, hein? Ouais, c'est leur nouvelle espresso. Faut dire espresso, pas juste en français. En général, faut dire espresso. Cloud IPA Cocktail, disponible sur le menu de soirée chez Starbucks dans plusieurs magasins aux États-Unis. Donc, c'est ça. C'est comme on appelle ça un saké bomb, mais avec de l'espresso au lieu du saké. Donc, pour créer l'espresso Cloud IPA, Starbucks, l'innovateur du café chez Starbucks, Justin Burns Beach, donc prend de la mousse, ouais. Orange vanille et espresso, faite en brassant de l'espresso et d'autres saveurs avec de la glace. Il met ça sur une IPA, la bière Indian Pale Ale, et ensuite sert un shooter de ce même espresso-là avec la bière. Un peu comme un saké bomb, c'est la même idée. Donc l'espresso à côté qui a été aussi mis dans la bière, et il suggère de verser le shooter d'espresso dans le breuvage pour créer un cocktail à plusieurs couches. Avec partie égale de saveur et de beauté, dit-il. Bref, c'est des inventions comme ça qu'on a chez Starbucks le soir. Donc, il y a aussi le Red Wine Fragino. Oui. Le Red Wine Fragino. Ça, si je vais sur l'article, est-ce qu'il y a une description de ce que c'est le Il y a eu des étoiles dans mes yeux quand j'ai dit ça. C'est système solaire autour de Tania qui tourne. C'est du vin mélangé avec de la glace. C'est comme un genre de frappuccino alcoolisé. OK, fait que tu le dilues. Ouais, un peu, c'est ça. Ah, ouais. Non, laisse faire d'abord. Ça coûte environ, ça coûte environ 8 US, c'est super cher. Tu feras ton propre frappuccino. C'est ça. Ouais. Ça fait-tu comme une slush? Je sais pas, la photo apparaît pas. C'est ça, pas, hein, parce que l'alcool, tu peux pas faire geler ça. Non, exactement, c'est ça. Tout à fait. Continuons, il en reste pas beaucoup des nouvelles pour ce bloc-ci. On va y aller avec Amazon qui va essayer de faire. Vous avez déjà entendu parler des magasins de livres Amazon. Oui. Tu peux acheter de l'épicerie maintenant sur Amazon.com aux États-Unis. Ouais. Et maintenant, ils vont faire des épiceries avec service au volant, Amazon Fresh. Ça a l'air cool, hein? Donc c'est le Wall Street Journal qui nous dit qu'Amazon va essayer ça avec ramassage sur le coin d'une rue, genre. Et la construction a déjà commencé à Seattle et ça pourrait devenir une idée populaire dans le monde. Comme la plupart des magasins traditionnels, vous allez pouvoir entrer et personnellement magasiner pour des fruits et légumes, des trucs périssables. Et vous allez avoir l'option de préparer votre commande sinon à l'avance et simplement arriver là-bas et ramasser vos votre épicerie. Donc faites attention à ça, ça s'en vient dans le futur plus ou moins rapproché. Pour l'instant à Seattle et après ça ailleurs si ça a du succès, ce qui devrait être le cas. Ensuite, en fait je pense qu'on peut terminer là, ça va, ça finit bien. Oui. Ça finit bien. C'est tout pour une grosse boîte à adresse, les liens sont sur assemblagerequis.com. Merci David Ferron d'avoir été présent à la chronique. Ben merci beaucoup Mathieu. On te réinvite quand tu veux, ben, pas juste gentil. Pour rire de toi. Ah, c'est avec gentil, toi. Mais vous allez le faire de toute façon. T'as encore le temps pour renverser quelque chose, si tu veux. Non, ça t'a coûté de moi, c'est c'est ça. Il y a son bras entre les deux qui protège la surface de notre table et de la console et de l'équipement. Exactement, wow. Oh, David, approche-toi pas trop de Tania, elle va te gifler. Ben là, wow, je suis pas si agressive. Comme un chat. Quand même pas autant intense que Joe Biden. Ah, ben, Colin, Joe Biden. Depuis qu'on sort Joe Biden pour faire des gags. Ouais, mais ça a l'air que Joe Biden, il est très... touchy. Hands-on, genre, il aime ça tapoter. Mais tripoter. Mais pas by the pussy. Il est grab them. Non, ben, en fait, il est chaleureux. Tu sais, quelqu'un qui est trop, qui a trop d'amour à donner. Il fait des câlins aux gens. Ah. Mais des fois, c'est. Il paraît c'est trop. Comme, ouais, trop comme. Ça a l'air comme à donner. Il y aurait la femme d'un ambassadeur, je sais pas trop quoi, il était derrière elle. Il était en train. Il avait les mains sur les épaules de sa femme. En fait, de la femme de l'ambassadeur ou de je sais pas trop qui faisait un speech. Ouais. Et Joe Biden, ça a l'air qu'il soufflait des mots doux dans l'oreille. Mais tu es sérieux? Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais il était très chaleureux. Une belle robe ce soir. Ouais! Et ben! Voilà, donc ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui, nous, parce que Génie en Liberté commence à 9h30 dans quelques instants. Après ça, sur nos ondes, Colin, qu'on a une émission, une journée, pardon, assez chargée pour vous et assez intéressante. C'est rempli de reprises aujourd'hui. À midi, le Mathieu Plante Show et Mathieu Plante en rappel. Ensuite, à 15h, la sortie de secours est à votre gauche en rappel. À 16h, Radio Sonic en rappel. À 18h, l'Homme Trotter avec David Ferron aussi en rappel. Et après ça, on revient en direct pour clore la soirée avec Très Blue, ça c'est fou, entre 19h et 22h. Ça c'est avec Denis Baudin. Soyez à l'écoute. CIF.ca pour la programmation complète. assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Et en hommage à Joe Biden, on va se quitter avec Le Couleur et L'Amour le Jour. Oh. Ben oui. C'est cool, hein? Tout le temps. Yeah. Oui. Hey, bonne fin de semaine, tout le monde. Bye. Au revoir. Bon café. Oui, bon café. On se retrouve lundi dès 7h30. Soyez ici. 6h30. Oui, ouais, oui, 6h30. Nous autres, on va être là à 7h30, mais l'émission commence. Vous êtes là à 6h. C'est ça. pourquoi tu cours. L'amour, love, l'amour, te faire la cour.